La musique que je mettrai, ce sera le a cappella. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah Ouais, mais vous êtes pas obligé de le faire parce que là vous êtes enregistré, donc me donnez pas des idées. Et donc avec moi pour ce débrief The Force Awakens, Arnaud, salut, Clément, salut, Irish, salut, et Léo. Salut. Bon, on a du boulot, on a des choses à dire. Le film est sorti, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, puisque nous sommes jour de diffusion le 24 décembre. Nous, on enregistre cette émission le 18, c'est-à-dire 2 jours après la sortie. Donc on a pour le moment assez peu d'infos sur sa réception aux États-Unis, si ce n'est les quelques records déjà battus. Donc, en ne comptant que les journées de mardi et mercredi, non, de mercredi et jeudi plutôt, ça va mieux si on les met dans l'ordre, le film cumule déjà 129,7 millions de dollars dans le monde. Voilà. Dont le budget, et son budget, c'est 200 millions. On va commencer sur le film. Parce que c'est bien de parler des performances et des records, mais on a vu un film quand même. Vous avez le conducteur sous les yeux, juste pour tout le monde, que vous sachiez un petit peu. Amis auditeurs, l'ordre de l'émission, on va d'abord se poser la question, The Force Awakens est-il un bon film? Est-il un bon Star Wars? Est-il un bon Disney? Allons même jusque-là. On fera la plus grosse partie de l'émission, évidemment, sur l'importance de la transmission. Voilà, ça sera un peu le fil rouge de ce podcast, comme le fil rouge de ce film. Donc, l'importance de la transmission et le fait qu'on a quand même eu un film miroir. On va pas dire le contraire. Bah, et puis, on terminera par donner nos notes sur 5. Voilà. Donc, manière de placer le curseur, je vais pas vous demander est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. Je vais vous poser donc les 3 questions que je viens de poser. Est-ce que c'est un bon film, un bon Star Wars, un bon Disney? On va commencer par The Force Awakens. Est-il un bon film? Oui. Alors oui pour, parce que du coup j'ai pas vu qui a répondu. C'est moi, Arnaud. Oui pour Arnaud. Est-ce que c'est un bon film, Clément? Oui, un très bon film. Enfin, un très bon film, un très bon moment devant. Voilà. Irish? Oui, un très bon divertissement. Donc oui, un bon film. Léo? Clairement oui. Un bon film. Pour moi, oui, c'est aussi, si on parle de film, c'est un bon film. Voilà. On ne s'ennuie pas. Non, je ne sais pas si vous avez eu le sentiment de s'ennuyer, si vous avez regardé l'heure. En tout cas, non. J'ai retourné le voir aujourd'hui et je n'ai pas du tout regardé l'heure. J'ai repris mon pied une deuxième fois. On ne s'ennuie pas. Visuellement, le boulot est fait. Enfin, voilà, au niveau local, y a pas on parlera de la réal tout à l'heure quand on parlera de J. Abrams. La 3D, par contre, ça s'oublie un peu vite. Bah, elle sert à rien. Alors, la 3D, j'ai vu en 2D. Je voulais le voir en 3D et le projecteur est tombé en panne, donc du coup, pas de 3D pour moi. Ah. Non, mais je pense que ça change rien. Moi, j'ai pas. Non, ça change rien. Très vite. Ah, juste peut-être au tout début, quand t'as les M&M's qui t'envoient les bonbons, ça c'était pas mal. Ça, c'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Ça fait partie de son expérience. D'avoir reçu des M&M's dans la gueule. Bah, ça fait partie de l'expérience. Petite question, qui l'a vu en VO? Moi. Moi. Tout le monde, en fait. Oui. Et qui l'a vu en VF? Non. Moi, parce que je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu une fois en VF, une fois en VO. Il y a des choses à dire sur la VF. Ouais, oui, apparemment. Donc, la question principale que j'avais à te poser, c'est comment est la voix de Kylo Ren en français? Ridicule. Ah. En anglais aussi. Sa voix avec le masque. Oh, tu peux pas dire ça en anglais. Sa voix avec le masque passe, sa voix sans masque, c'est une catastrophe. Non, mais quand je parle de la voix, c'est la voix avec le masque. Oh, avec le masque, ça passe. Non, mais globalement, comment est le doublage? Moi, j'ai entendu qu'il était assez mauvais. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est franchement pas terrible. Après, voilà, il y a des choses. J'ai jamais été pour le fait de tout traduire, et notamment BB-8, c'est très bien BB-8, quoi. BB-8, ouais, ouais. Non, ça passe pas. Ils l'ont traduit? Oui, c'est BB-8, il s'appelle BB-8. Oh, et du coup, viens BB-8. Je me demande si ça n'est pas un bébé ou enfin, c'est assez bizarre. En même temps, ce serait un peu incohérent de la. Bon, on s'en fout, au bout d'un moment. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Enfin, ça me choque pas. C'est comme Z6PO dans les trois films, là. Ah oui, non. Z3, voilà, pourquoi. Voilà, t'imagines, dans une épée, C3PO, ça passera un peu moins. Z3PO à la rigueur, Z3PO. Par contre, c'est vrai que quand on... En tant que Français, on a une petite saveur particulière avec le... Ah bah oui. Le Stormtrooper, FN, qui s'appelle FN. Ah oui, le FN. Oui. Non, je ne vais pas t'appeler FN. Forcément, il y a eu quelques sourires, voire quelques rires dans la salle. Ah bah, dans la salle, les gens rient. Ah oui, même en VO... Et d'ailleurs, dans la salle, moi, les gens ont ri quand Kylo Ren enlève son masque, mais ça, on en reparlera plus tard. Ah ouais, ça... Donc, on est tous d'accord pour se dire que Star Wars The Force Awakens, c'est un bon film, a priori. Yep. Oui. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un bon Star Wars? C'est pas la même chose. On peut réussir un film, mais rater un Star Wars. Est-ce que J.J. Abrams nous a proposé un bon Star Wars? Oui. Oui, pour moi aussi. Donc... Totalement. C'est un bon Star Wars de la trilogie originelle. Oui. Voilà, c'est un bon Star Wars. Je pense qu'on peut dire c'est un Star Wars totalement. Non, parce que les deux trilogies sont différentes. Ouais. C'est oui. La première, c'est le les décors en dur, c'est l'humour. La prélogie, c'est tout l'inverse, c'est du numérique, c'est ouais. Froid aussi bien visuellement que dans le jeu, c'est politique alors qu'il n'y a pas du tout cet aspect politique dans la première trilogie. Oui. Donc non, c'est un bon Star Wars de la trilogie impériale. C'est dans la lignée de la trilogie. Moi j'irais dans l'ensemble, c'est un bon Star Wars, parce que si je te prends l'épisode 3, je trouvais déjà que c'était un peu un mélange entre ce qui se passait entre la trilogie et la prélogie. C'est mieux puisqu'il est censé faire le lien entre les deux. Pour l'épisode 3, c'est un mélange entre les deux dans les 10 dernières minutes. Avant, oui. Parce que t'as le côté politique et en même temps t'as aussi le côté. Malheureusement. Oui. Après, personnellement, je fais partie des gens qui n'ont pas aimé la prélogie. Moi je jette le 1 et le 2, donc c'est normal que je fais la distinction. Pour l'avoir vu récemment, je vous avoue que moi j'ai une préférence pour la prélogie. Ah non, moi j'ai vraiment du mal avec le 1 et le 2. J'ai fait le marathon pour le 7 et je. Alors oui, voilà, effectivement, pour moi la trilogie est meilleure que la prélogie, mais en ayant revu cette prélogie, en voyant les trois d'un bloc, bon, ça passe. Non, le 1 est insupportable. Peut-être le côté vieillot qui vous déplaît, mais le quoi ? Pardon, peut-être le côté vieillot qui entre en compte, je parle pour moi. Je parle là pour moi, peut-être le côté vieillot de l'épisode 4, 5, 6 entre en compte et me font préférer. Bon, le côté vieillot, parce que je dis ça, mais les 4, 5, 6, ça n'a pas mal vieilli non plus. Ça reste toujours agréable. Ça a bien vieilli. Oh, mais je me suis... Oui, ça a bien vieilli, dans le sens. Oui, ça a bien vieilli, contrairement à la prélogie, qui est plus récente. C'est vrai. Justement, c'est moche. C'est vrai que l'épisode 2, par exemple, j'ai eu l'impression à un moment que c'était plus vieux que l'épisode 4, 5, 6. Voilà. Mais le problème du numérique. Bon, en même temps, on n'est pas en train de faire le procès des deux trilogies. Donc... Oui. Voilà. On va pas rentrer dedans. Léo, pour toi, c'est un bon Star Wars? Oui, clairement, oui, franchement... Enfin, ça, bon, de toute façon, on va en parler sur le scénario et tout ça, mais oui, enfin, moi, j'ai vraiment, c'était l'une des choses que j'attendais le plus, c'était l'inscription dans la mythologie, tout ça, enfin, j'étais complètement comblé de ce point de vue-là, ouais. Si je peux dire juste un truc, c'est que c'est peut-être même, peut-être, on en reparlera plus tard, mais peut-être un des problèmes du film, c'est le fait que c'est un trop bon Star Wars. Il n'y a pas de point qui peut se demander est-ce que ça, on aurait dû ajouter ça ou ça, parce que, Tout est pas d'accord parce que tout n'est pas parfait dans le film. Tout n'est pas parfait et moi, j'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit est-ce qu'on parle par rapport au fait si c'est un bon Star Wars par rapport par exemple on va dire par rapport à la trilogie, c'est un bon Star Wars pour moi parce que c'est presque une copie de l'une de l'un des c'est pas presque, c'est une copie du 4 5 6 exact, surtout le 4. Non, c'est lui pour moi, c'est un bon film. Mais j'ai du mal à me dire c'est un bon Star Wars dans le sens où c'est pas un nouveau Star Wars. Bah... Mais non, mais justement, ça fait partie de la réflexion de Disney qui veut, parce qu'ils ont, en rachetant Disney, ils ont dit les fans détestent la prélogie, on va refaire un Star Wars mais à la sauce première trilogie. Et donc, c'est pour ça que le film, en fait, c'est. En plus, il a fait. Comme le film sort 10 ans après la fin de l'épisode 3. Et je sais pas, j'ai pas calculé. Quand est sorti le 6, mais ça doit faire, je sais pas, 25-30 ans. 32, merci. C'est un retour à ce qui a été fait il y a 32 ans. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est justement mélanger toutes les générations. Parce que le film parle à tous les publics, à tous les âges. C'est un film familial. Du coup, ils ont rassemblé plusieurs choses. Et pour moi, plus que d'être un bon film ou un bon Star Wars, c'est une bonne transition vers quelque chose d'autre. Un renouveau de Star Wars. Non, mais... Parce que les prochains, Là, ils jouent à fond la carte de la nostalgie du 4-5-6. C'est pour ça que ça reprend le récit du 4-5-6. Ça commence pareil, ça commence sur une planète à la Tatooine, etc. Et pour moi, plus on va avancer dans la nouvelle trilogie, plus on va oublier cette nostalgie, plus on va laisser de côté les anciens pour se concentrer encore plus sur les nouveaux. Et pour moi, cet épisode 7, c'est une transition. Je suis d'accord, vraiment il y a... Donc c'est pour ça que le mélange, enfin la reprise du 4-5-6, c'est pas un défaut pour moi, c'est justement on refait une synthèse des précédents, en y incluant de nouveaux éléments qui vont servir de moteur à cette nouvelle trilogie. Oui, mais ça pose le problème dont on a déjà commencé à évoquer avec les films Marvel, à savoir est-ce qu'on va au cinéma voir un film comme si on s'assied dans le salon regarder une série dont on sait qu'on aura la suite. C'est différent. Les Marvel, je vois exactement ce que tu veux dire, je suis totalement d'accord avec toi. Les Marvel, le problème, c'est que c'est le même scénario, exactement le même scénario copié. Là, pour moi, dit Abrams et Disney, on fait un vrai travail de reconstruction, Supposition dans ce qui va se passer dans la suite. Oui, bien sûr, je suppose, j'ai pas lu les scénarios des suivants, mais pour moi, ils ont repris le 4, 5, 6 en se réappropriant le matériel de base pour vraiment proposer un récit qui vraiment, c'est le sujet cœur du film, comme l'a dit Mathieu en introduction, c'est la transmission. Donc il faut reprendre l'ancien et rajouter du nouveau. Il ne faut pas oublier de faire un film en part entière aussi, du coup. Mais le film tient la route. Le film tient la route. Je suis d'accord. Ça tient la route. Je ne dis pas que le film ne tient pas la route. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'impression de copie qu'on a à la fin, la sensation de nouveauté... C'est pas un sentiment de nouveauté, de toute manière, ça avait été dit que cet épisode... Mais 7, t'attends pas 30 ans pour te revoir le même truc. On l'a fait tous, on a regardé la trilogie. Les enfants de 9 ans l'ont pas forcément vu. Mais je pense que plein, la trilogie, si on pouvait voir, mais il faut regarder le nombre de fois la trilogie a été revue. Irish, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'avec l'épisode 7 qui était 9, Disney, donc effectivement, je cherche à continuer à garder les premières générations, mais ils sont pas cons. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toucher une nouvelle génération. Donc, ça me semble pas absurde que tu te mets dans l'hypothèse que t'es un gamin de 10 ans. T'as jamais eu l'occasion de voir la prélogie ou la trilogie. Tu vas voir Star Wars 7. Bah, si tu veux être sûr que ça marche, si tu veux être sûr pour tu vas aimer cet univers, ça me semble logique, et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était c'est une copie du 4-5-6, mais ça m'a pas choqué plus que ça parce que j'ai considéré que cet épisode était un hommage justement à la première trilogie. Mais s'ils veulent fédérer au maximum, s'ils veulent attirer une nouvelle génération vers les films Star Wars, ça me semble loin d'être absurde qu'ils se basent sur le matériau de la première trilogie pour en faire un film. Et de ce point de vue-là, le film est réussi parce qu'ils ont réussi à se baser sur la trilogie. Et c'est ce qui manquait. Il y a des thèmes qui ont été abordés dans la trilogie qui manquaient cruellement à la trilogie. Moi, j'ai vraiment vu dans Star Wars 7 la continuité de la trilogie, à la fois avec un hommage et à la fois, effectivement, c'est la transmission. D'une génération à une autre. Pour reprendre ton parallèle avec les films Marvel, t'aurais pu dire que c'est exactement la même idée si ils avaient recopié, s'ils avaient fait un copier-coller du 4. Or, ce réveil de la Force, c'est une synthèse du 4, 5, 6 pour ensuite passer à autre chose dans le 8. Si encore ils avaient fait un copier-coller du 4 et le 8 c'était un copier-coller du 5 et le 9 un copier-coller du 6, là d'accord, c'était dans la même idée de reprise. Désolé, on n'est pas loin. Non, mais là c'est une reprise du 4, 5 et 6 pour faire une synthèse de ce qui a été fait auparavant pour ensuite passer à autre chose. C'est un passage de cap et de transmission l'ancienne génération et nouvelle, pour dire voilà, maintenant, le prochain sera totalement différent et original, hein, puisque on a fait une sorte de conclusion de ce qu'a été Star Wars avant. Non mais regarde, je comprends ce que tu veux dire, mais où je suis pas d'accord avec toi là-dessus, c'est que là, ce qu'on a ici, le côté nostalgique ou le côté, tu peux le faire en faisant, si tu fais un film avec un film nouveau avec des références, tu l'as. Sauf que là, c'est un film référencé, plein de références avec un peu de nouveauté. Je suis d'accord avec toi, oui, tu peux. T'as besoin de faire un lien ou ce genre de choses, mais tu peux construire quelque chose de nouveau. À un moment, le problème avec les trilogies, c'est que tu fais une trilogie et le premier film de la trilogie, c'est comme si on te dit, ouais, non, mais il sera pas vraiment pas signifiant, mais c'est, on va dire, c'est le film, il faut qu'on leur donne de la nostalgie et on va faire un vrai film après. Alors, je vais rebondir sur ce qu'Irish a dit, puis je vais en profiter pour répondre à la question, hein, parce que je n'ai pas encore répondu. J'ai vu le film deux fois, et la première fois, le jour même de la sortie, en sortant de la salle, je me suis dit, si c'était pour nous faire un remake, fallait pas l'appeler une suite. Techniquement, oui. L'épisode ça ne s'appelle pas épisode 7. Dans le titre, c'est pas 7. Ah, je pense que j'ai vu le marqué dans le titre. Non, non, l'épisode 7, hein. Au début du film. Non, ils disent que c'est le 7, mais techniquement, son titre, c'est Star Wars, le réveil de la force. Pas Star Wars, épisode 7, le réveil de la force. Bah alors, ça se compte là, tu l'assumes jusqu'au bout et tu le mets pas dans le déroulement. Ah, tu le mets pas dans le. Exactement. Tout à fait. Oui, ça reste une suite. Ça reste une suite. Mais c'est vraiment pour dire, tout le monde peut voir le film. Parce que si tu mets épisode 7, les gens qui n'ont pas vu les 6 premiers, ils vont pas vouloir y aller. Donc c'est pour parler à tous les publics, ceux qui ont vu la trilogie et qui vont être heureux de revoir, et ceux qui ne connaissent pas. Je vais rebondir, Arnaud, sur ce que tu disais, c'est que je pense que également ils ont le principal défi de J.J. Abrams, qui est un pur fan de Star Wars et de la saga, etc. Ça a été en effet de faire un film qui plaise aux plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas nécessairement vu ni la trilogie ni même forcément la prélogie. Également de faire plaisir aux fans de la première heure, que ce soit ceux qui ont commencé à découvrir avec la prélogie puis qui ont vu la trilogie après ou l'inverse, et en même temps de s'inscrire dans une mythologie complète, de faire une saga et nécessairement de faire une suite, parce que bon, certes, il n'y a pas les numéros, mais ça reste quand même la suite du 6. Et ça a été le principal, et ça s'est vu notamment dans le film avec tout ce scénario qui ressemble en effet à un nouvel espoir, mais sur lequel il s'est surtout basé pour ensuite essayer de faire voler la future trilogie de ses propres ailes. Et de surcroît, avec ce qui se passe dans le film, il y a vraiment à un moment une espèce de cassure et pour justement que ses successeurs partent dans une nouvelle direction. Parce qu'en effet, si c'est pour faire des films qui ressemblent à leurs prédécesseurs, ça n'aurait aucun intérêt. Ce serait un fric monstrueux, ce serait du foutage de gueule, les fans le verraient, et enfin, ça ferait. Donc voilà. Mais si je te pose une question, Arnaud, tu penses par exemple s'il avait fait un film totalement nouveau, mais en gardant Han Solo, est-ce que tu n'aurais pas le côté nostalgique, même juste de les voir à l'écran? Non. Tu dirais non? Il y aurait eu un manque. Pour moi, clairement, il y aurait eu un manque. Bah, quand je dis totalement nouveau, après, c'est pas perdre tous les éléments. Mais si, non, mais en gros, pour avoir un film nostalgique, t'es pas obligé de faire une copie, t'es pas obligé de faire un miroir. Mais non, le propos du film, c'est exactement ce que l'on vit. Le film est un miroir de ce qu'on vit. C'est une transmission transgénérationnelle de tous les fans de Star Wars. Et le film parle exactement de ça. C'est aussi une transmission de toutes sortes de générations du combat et de la force, des Jedi et tout ça. Sans ça, sans cet aspect-là, si le film avait parlé exactement de la même thématique, sans reprendre des éléments des anciens films, sans refaire cette synthèse vraiment de la trilogie, ça n'aurait pas servi le propos. Là, ça sert vraiment le propos du film pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu es en train de dire en quelque sorte, en gros, c'est comme le parent qui va emmener son enfant, le parent qui a été fan et tout, et qui va du coup dire à son fils, bah tiens, et pour toi, bah voilà, t'es un de ceux qui seront tes Han, sera heureux dans ta génération. Oui, mais le problème c'est que là on rentre du coup, et ça je comprends du coup ce que tu veux me dire, et oui, dans ce cas-là je peux comprendre, mais sauf qu'on rentre dans un cas où du coup le marketing prend un peu plus de place que l'architecture. On va arrêter là pour cette partie, parce qu'on en est qu'à la deuxième question de l'émission. et puis, Irish nous offre une belle transition. Est-ce que ce film est un bon Disney? Question volontairement provocante. Oui, ça dépend. Non, parce que... Non, clairement, parce que Disney n'a pas de... Il n'y a pas de pas de Disney. Ouais, moi je suis d'accord. Disney, c'est devenu un ensemble de plein d'univers, de plein de choses. C'est de l'animation. Et il y a la différence déjà entre un film animé Disney et un film animé Pixar. C'est des super-héros. C'est de la SF. Peut-être que ce sera Indiana Jones aussi. C'est un mélange de plein de choses. Il y a la seule chose où on peut dire où il y a la patte Disney, c'est dans le marketing. Oui, non, ouais. Mais je suis d'accord avec Arnaud. Si on entend, est-ce que c'est un bon Disney, est-ce qu'on ressent la patte de Disney dans The Force Awakens, bah alors non, moi j'ai pas, honnêtement, ça m'est complètement sorti de l'esprit que ça avait été racheté pour Disney. Et pour preuve, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais je trouve que c'est hyper révélateur. Il n'y a pas eu le logo de Disney. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En tout début, on a pas eu le château. C'était assez appréciable. C'était très appréciable de commencer par lui casser. Et sans les oreilles de Mickey en plus. On a la tête de Mickey par contre dans le film. Non, moi j'ai pas ressenti du coup la page de Disney. J'avais justement peur de ressentir que voilà, ils avaient un peu édulcoré les choses en termes d'histoire, on peut vraiment parler de violence dans Star Wars, mais voilà. Il y a quand même du sang. Il y a quand même du sang. C'est la première fois que tu vois du sang. Dans les Marvel, il n'y a pas de sang. Là, c'est la première fois que tu vois du sang. Je ne sais pas si dans les anciens Star Wars, il y avait du sang. Non, t'as pas de sang. Non, mais comment dire, enfin, t'es pas dans, je veux dire, c'est vraiment, comment dire. Non, enfin, voilà, il n'y a pas. Quand j'entends violence, c'est vraiment scène. Vraiment des scènes, voilà. J'ai pas eu cette impression qu'ils ont voulu faire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On parle des trucs comme ça. Pour moi, c'est l'une des forces de ce film par rapport à l'ancienne trilogie. Vraiment, les personnages ne sont pas juste tout blanc ou tout noir. Oui, il faut savoir aussi, c'est quoi un film Disney aussi? Est-ce que c'est un film... Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de patte Disney. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'avant, on pouvait, comme tu as très bien dit, Arnaud, on pouvait dire avant Disney parce qu'ils étaient concentrés sur leurs films familiaux, leurs dessins animés. Donc, quand ils faisaient un film, ils avaient un cahier des charges, ça se ressemblait, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ils ont tellement d'univers que et c'est plus géré pareil. J'ai l'impression que malgré le fait que c'est au sein de la même maison, c'est quand même assez indépendant au final. Bah, il y a pas une personne qui gère tout. Voilà, qui gère tout, Disney. Qui regarde. Donc Il y a Kevin Feige pour Marvel, il y a Kathleen Kennedy pour Lucasfilm, il y a quelqu'un d'autre pour l'animation Pixar, il y a quelqu'un d'autre pour l'animation Disney, et il y a quelqu'un autour de chez Disney, mais il y a plusieurs personnes. Et si tu veux dire un film Disney, dans les films Disney, jamais tu aurais une scène où quelqu'un tue son père comme ça, si c'était vraiment dans les films Disney d'avant. Donc, est-ce que par film Disney, tu veux dire c'est un bon film familial ou un film on peut regarder en famille? Moi, je dirais oui. Non, c'était une petite façon provocante de vous demander si oui ou non vous aviez senti l'impact du rachat. Oui, mais je comprends. Non, pas du tout. Non. En gros, disons qu'il n'y a pas eu de... Disney n'a pas mis son veto sur certains... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, mais je n'ai pas vu d'obligation, comme il disait, de pas voir de sang, comme, par exemple, ce qui est le cas dans les Marvel. Après, il y a cette absence notable du logo Disney au début du film, qui commence par le film, par le logo Lucasfilm. C'est effectivement voilà, une forme de volonté de se mettre en retrait qui est indiquée là. Mais après, effectivement, dans tout ce qui va être marketing derrière, notamment avec B8, c'est quand même très très agressif et on est plus du côté Disney que du côté de ce côté-là. On a quand même, enfin moi j'ai quand même vu la tête de Mickey dans le film. Ah, j'ai pas vu. Tu l'as vu où? Vers la fin du film, vous avez Leia qui est de dos, de contre-jour. Et sa tête, elle est bien ronde, avec deux gros macarons de chaque côté. Ah, j'avais pas fait attention. Là, j'ai pas fait attention. Et il est difficile, là, de pas voir la tête de Mickey. Franchement. Ah, mais ça m'a pas choqué. Oui, mais elle a toujours sa coiffure, la même coiffure dans tout le film, sauf à la fin, sur ce moment-là, où elle est de dos en contre-jour, où elle a ces deux énormes boules sur les deux côtés de sa tête. Et là, on a vraiment, voilà. C'est un peu complot, quand même. Ça reste discret et du coup voilà. Bah si c'est bien fait comme ça aussi, moi ça me gêne pas en fait. Par contre, il y a un autre clin d'œil. Enfin je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, mais je sais pas vous. Mais il y a un E.T. au début du film. Oui, Ah bon? je me suis demandé si c'était si s'il y avait Il y a quelque E.T.? chose d'E.T. là-dessus ou pas, mais effectivement cet extraterrestre qui Mais regarde E.T. c'est pas E.T. Disney. Top. Oui, Ouais, mais mais même on sait Abrams, qu'Abrams il est voilà moins connu que rend des Steven hommages à Spielberg. tous les grands réalisateurs des années 70, 80, etc. Ah, j'ai pas C'est fait pas attention, très c'est vrai. Hein. Abrams, ouais. Abrams étant un disciple de Spielberg ayant d'ailleurs, je pense, produit le film. D'ailleurs, il était à l'avant-première à Los Angeles, tout ça. Non, il a pas produit. Non, il a pas Ah, il a pas produit. produit. Ah non, bah, en tout cas, il était à l'avant-première, donc je me suis dit ça. Mais enfin, ça m'étonnerait pas qu'Abrams s'est mis un petit truc comme ça, un petit alien dans Star Wars qui ressemble à E.T. Bah, ce petit alien là, tu parles de celui qui regarde partir BB-8 dans le désert Ouais, et qui ouais, pose ouais. son cou sur le côté. Effectivement, au niveau de la Ah, silhouette, ah. il y a quelque chose. Il a la gueule quand même. Voilà. Tout comme je me Ça suis marque. longuement demandé ce petit oiseau là sur lequel il insiste beaucoup, j'ai pas tilté à quoi ça pouvait faire référence, mais il y a forcément quelque chose avec ça aussi. L'oiseau qui s'attaque à la carcasse de droïde là. Ah oui. Ah oui. Ren Ah. traverse le désert, je me dis pourquoi il insiste vraiment, il met cet oiseau devant, là, etc. Il doit y avoir une référence, il doit y avoir un hommage quelconque là derrière. Peut-être, ouais, Je l'ai je pas vu, pense. mais Ce bon. sont des détails. Voilà, bon, on va pas s'attarder plus que ça sur ce prélude qui n'a que trop duré. On va maintenant parler en détail du film. On a réussi jusque-là à ne pas être spoilant. Par contre, à partir de maintenant, voilà, sachez-le, si vous n'avez pas vu le film, ben, ne le regardez pas, quoi. N'écoutez pas la suite de l'émission, parce que voilà, vous allez Ça va forcément spoiler aller comme en des bavée. porcs. Là, très très spoilé, là on va vraiment lâcher les chevaux. Donc on va parler évidemment du thème, voilà, à travers tous les points qu'on va aborder. Il y aura cette trame centrale de la transmission et aussi du film Miroir. Miroir déformant, hein, sur beaucoup de moments, voilà, mais miroir quand même. On va commencer évidemment par la première transmission qui n'est pas la plus évidente pour tout le monde, mais qui est la plus évidente pour moi. C'est la transmission entre J.J. Abrams et George Lucas. Est-ce que cette transmission est réussie? Est-ce que J.J. Abrams n'est qu'un clone de George Lucas? Ou est-ce que il a réussi à intégrer, à comprendre vraiment l'essence de Star Wars pour en faire quelque chose de nouveau, de moderne? Est-ce que je peux commencer? Vas-y, Clément, si tu ne fais pas un quart d'heure. Non, je ne vais pas faire un quart d'heure, c'est juste pour commencer cette fois. Non, c'est pas un clone de George Lucas, il a compris ce qu'est Star Wars, on sent parfaitement que c'est un fan de Star Wars qui fait un film pour les fans et par un fan. C'est pas un clone de George Lucas, pour la simple et bonne raison, bah déjà j'ai envie de dire que la direction d'acteur c'est quand même autre chose qu'avec George Lucas, Oui, clairement. c'est clairement autre chose, et ça tu le sens tout de suite, et c'est vraiment, vraiment sympa, même en termes de dialogue, hein, c'est largement autre chose que ce qu'a pu nous offrir Papy Lucas dans le 1 et le 2, et peut-être même le 3. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un clone. Maintenant, la transmission est réussie, parce que quand même, on sent que J.J. Abrams s'est appuyé sur certains éléments de la réalisation de George Lucas, que ce soit les transitions entre les scènes, ou notamment, bah, forcément, les décors naturels qui étaient propres vraiment à la trilogie. Chose appréciable, la quasi-absence, parce qu'on en a quand même un ou deux, de lens flare. Ouais, Surtout au début, il y en a. Le quoi? La Des lens quasi-absence de flares. lens flare. Ah oui, de flares. Oui, il y en a un au début, j'en ai compté, j'en ai pas vu d'autres après. Ouais, j'ai vu un Je ou deux, crois mais qu'il doit y en avoir un ou deux voilà. autres. Ce qui est quand même rien par rapport à ce qu'il nous fait d'habitude. Enfin, il a presque abandonné sa signature pour se fondre dans Dans l'univers de Star Trek, il y en avait beaucoup plus. Star Wars et dans autre chose. Oui. Bah moi j'ai l'une des clones, je dirais non par rapport même par qu'on parlait de réalisation. J'ai regardé comme je disais, j'ai regardé les épisodes précédents il y a pas longtemps et une différence qui est très bien notable, c'est au niveau du rythme. Ah oui, Oui. Les épisodes réalisés par bon pas tous nous ont réalisés, mais les épisodes de la prélogie ou de la trilogie, c'est très lent. Et là c'est très dynamique, hein. Ça s'arrête jamais. Après, je te corrige juste, il faut quand même noter, parce qu'on parle de la trilogie, mais finalement, Lucas n'a réalisé qu'un seul film de la Oui, c'est pour trilogie. ça que j'ai Oui, dit, donc, qu'il a pas ouais. tout réalisé. Oui, Oui. tout à fait. Oui, Mais mais il était très présent. Enfin voilà, c'était quand même Oui, il ça. était très Voilà. présent, mais Je prends un exemple, par exemple dans l'épisode 5 où t'as le combat, t'as une bataille au niveau dans le désert avec une sorte d'animal qui avale dans le sable, hein, chez Jabba, quand Jabba il essaie de Ah, le puits de l'étrangler. Sarlacc. Hein. Ouais, voilà, Ah ouais. exactement. Le combat est assez lent, je trouvais. Donc, t'avais un peu le temps de voir ce qui se passait au niveau du dynamisme. Mais quand tu regardes par rapport à cet épisode 7, l'action, c'est très très dynamique, ouais. Toujours dans mais c'est clair, ouais. Un moment dans les courses avec toujours avec de l'humour aussi qui pince, ouais, parce que dans les autres épisodes ils s'arrêtaient carrément en pleine action pour faire de ouais. de l'humour, alors que là non, c'est dans la continuité, c'est en plein dans l'action qui te balance des vannes et voilà. Donc là par rapport à ça on peut pas vraiment parler de quelque chose qui me manque un petit peu du coup dans le fait de ce rythme hyper rapide, parce que c'est vrai que c'est hyper rapide, il y a beaucoup de choses partout tout le temps, dans une seule séquence il faudrait pouvoir mettre pause en permanence pour pouvoir tout voir et tout capter. Voilà, moi en l'ayant vu deux fois j'ai vu énormément de choses sur la deuxième que j'avais pas vu la première, et ça sera pareil quand j'en verrai une troisième, mon quatrième, etc. Et du coup, il y a un petit truc qui me manque, c'est qu'il y a un moment avant, on prenait le temps de juste le soleil là sur Tatooine, des petites séquences comme ça, un peu contemplatives sur les décors, sur certains personnages, voilà, des moments où le temps s'arrêtait un peu. On les a pas trop, tellement ça va vite. On n'a plus ce côté un peu contemplatif. Ouais, t'as quelques moments quand même. T'as le moment où Rey fouille un peu le vaisseau. T'as aussi le moment où elle se fait à manger et là, elle est assise sur. Quand tu regardes un peu de loin, tu vois qu'elle est assise sur comment ça s'appelle, hein, les éléphants, ouais. La sorte d'éléphant qui alors, de. Oui, les qu'on avait vu sur Hoth dans l'épisode 5. Ouais, voilà, elle est assise dessus. Bon, il y en a quelques-uns, mais effectivement, comme tu dis, c'est très court aussi. L'un d'autres points négatifs par rapport au CSA, c'est que on n'a pas le temps du coup de vraiment la musique. Et du coup, un peu noyé. On en parlera tout à l'heure de la musique, ouais. pour s'avancer là-dessus. Mais effectivement, mais oui, le rythme, en tout cas, nous empêche peut-être de longtemps. Il y a vraiment, il y a plus ce contemplatif, ouais, comme ce que tu décrivais, Mathieu, dans cet épisode, clairement. Enfin, je trouve que la réalisation de Abraham, c'est extrêmement immersive, en fait. On est tout le temps au cœur de l'action, ce qui fait que le spectateur ressent toujours énormément d'intensité. Moi, je l'ai vu une première fois en IMAX, la seconde fois, je l'ai vu en 3D, et les deux fois, enfin, j'avais l'impression d'être vraiment complètement dans l'action. Je me suis pas ennuyé une seule seconde en l'ayant vu la deuxième fois, genre à deux jours d'intervalle. Ouais. Vraiment, il y a un rythme, une efficacité, un dynamisme à ce film qui clairement fait que, bon, même si, comme on l'a sur le scénario, tout ça, on s'attarde sur des choses de l'ancienne trilogie, notamment de l'épisode 4, etc., malgré tout, il y a une volonté vraiment d'aller de l'avant et sans forcément un vrai temps mort. Et je trouve que c'est vraiment positif dans l'appréciation du film. Ouais, t'as raison, mais aussi parce que aussi, c'est un truc qu'Abraham fait aussi, c'est déjà dès le début, il nous montre déjà aussi parfois à quel point on est petit devant ce qui se passe, tu vois. Il y a aussi tendance, je sais pas si vous voyez, il y a cette scène au début déjà, c'est même pratiquement le premier plan du film où t'as une planète, et là t'as un vaisseau qui arrive petit à petit, qui masque, et donc du coup dès le début t'es déjà dans une sorte d'impression de gigantisme, et qui te fait que devant le fait tu te sens un petit peu plus petit, donc t'es un peu plus je sais pas comment expliquer, immergé dans t'es un peu plus admiratif en fait, voilà. C'est bizarre. Oui, fasciné, ouais, il y a une espèce de fascination, mais clairement la peinture de la galaxie est très bien faite, hein. Abraham, savait ce qu'il allait faire, hein. Non, mais justement, tu parles d'immensité, etc. Alors que moi, surtout ce deuxième visionnage, j'ai ressenti presque quelque chose d'intimiste malgré cette grandeur, ouais. etc. Je me suis dit, on se sentait vraiment proche de certains personnages, de quelque chose de tout petit à l'intérieur de cette chose immense, de cette machine. Oui, oui, oui, je comprends. Oui. Parce que le film parle d'intimité. C'est le premier ordre, donc des pseudo-néo-nazis qui veulent détruire la République et gouverner la galaxie. Quelque chose d'immense, de splendeur, d'immense à l'échelle galactique. Ouais. Mais à côté de ça, ça reste une histoire familiale d'un père qui tente de faire revenir son fils sur le droit chemin. Oui, et comme tu dis aussi, ce truc immense qui va être déjoué par un truc tout petit, presque un grain de sable, qui est la fille. Oui, ou même le peu de personnages qu'on voit et le peu de choses qu'on nous présente sur cet univers. Mais du coup, après, voilà, c'est effectivement le thème, c'était l'ambition, etc. Mais c'est quand même une réussite qu'on ait réussi à le ressentir. Ah ouais, complètement. Oui. Il y a vraiment, c'est quelque chose. J'ai clairement pas eu la même expérience, même si j'étais un peu plus jeune. Mais j'ai clairement, je trouve qu'on s'attachait quand même beaucoup plus facilement au nouveau personnage, il y a quelque chose dans le traitement des personnages, et c'est certainement dû à ce côté intimiste, voilà, qui nous faisait, enfin, apprécier, je sais pas, mais en tout cas, qui nous faisait ressentir quelque chose pour les personnages. On pouvait limite se mettre à leur place, quoi. Il y a un traitement dans la manière de filmer, dans la manière d'enchaîner les choses, où c'est vrai qu'il y a à la fois ce sentiment de grandeur, mais il y a un côté, ouais, c'est ça, il y a un côté intimiste, c'est vrai. Allez, on va passer cette étape J.J. Abrams, George Lucas, et à partir de maintenant, a priori, on devrait plus trop regarder vers le passé, mais vraiment regarder vers ce film-là et vers l'avenir, ouais. Maintenant qu'on s'est débarrassé de George et de tout le reste. La situation a beaucoup changé, il s'est passé 30 ans depuis l'épisode 6, bye bye l'Empire, bonjour le Premier Ordre, la Résistance remplace la Rébellion, la Nouvelle République tente tant bien que mal d'émerger, elle va être coupée en plein vol la pauvre, et puis surtout, dès le début, on a appris quand même le changement majeur dans ces 30 ans, et qui répond tout de suite à la question du trailer, mais où est Luke ? Bah, Luke, il n'est plus là, Luke, il a disparu, et ça va devenir une espèce d'ombre qui plane sur tout le film. C'est l'objet même du film. C'est l'objet de la quête de ce film, et finalement, c'est à travers lui qu'on va avoir droit à toute cette transmission. C'est ça, et c'est plutôt intelligent, et du coup... avec le fait que Luke a disparu, ben on comprend tout de suite pourquoi il était absent des posters, pourquoi il était absent de la promo. Là, ça prend plus ou moins son sens. Et je trouve qu'effectivement, ils ont bien fait de se le garder. Parce que c'est vrai que du coup, on arrive dans la salle de ciné, on attend le titre, et puis on ne sait pas le contexte, en fait, vraiment. Ah non, on ne sait rien. On ne sait rien du contexte. Le trailer ne te dévoile rien. Et c'est là, je trouve, la grande force à la fois de The Force Awakens et du trailer, c'est que le trailer te dévoile certes des moments, mais il ne te dévoile strictement rien, finalement, du fond de l'histoire. Et je trouve que c'est sa grande force, c'est qu'on va... Bah, on découvre finalement on découvre les enjeux petit à petit, et je trouve que ça rendait le film vraiment, vraiment plaisant. Et ça se rapproche beaucoup plus de la trilogie, parce que finalement, on pose plus ou moins un statu quo. C'est un peu ça, un statu quo, et finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé durant les 30 ans. Alors, par contre, il y a quand même juste un truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le générique à la fin du film, Mark Hamill apparaît avant Carrie Fisher. Tout premier. Ah, bon ah ouais. Ouais. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford. Ouais, bah ils ont bien une seconde à la fin, quoi. Et ouais, il apparaît avant les autres au générique. Bah, ils ont peut-être voulu garder le trio de tête. Bah, le générique, tu le vois après le film. Tu t'en fous? Il n'y a plus de suspense. Oui, non, mais je sais pas, mais ils ont peut-être voulu faire ça. Du coup, ça m'a un petit peu, je me suis dit, bordel, quand même, ils auraient pu le mettre au moins après les autres. Quitte à le mettre effectivement en gros au centre, parce qu'il fait partie quand même des personnages principaux de la saga, mais pas le mettre au début comme ça avant les autres. Enfin, c'est un peu, je grille la priorité à tout le monde alors que je suis pas là, et qu'il y a un personnage qui aurait dû être avant les autres dans ce film-là. C'est clair. Mais je crois qu'il est avant Harrison Ford. Ça fait Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, je crois. D'accord, ah d'accord. Bon bah, ok. On a grandi, en tout cas moi j'ai grandi avec Anne, Leia et Luke. Les jeunes et les enfants de cette nouvelle génération vont grandir avec Finn, Rey et Poe. Ouais. On va revenir évidemment sur ces trois personnages, leur présentation, leur développement, l'intérêt qu'il a suscité chez vous. On va pas parler des trois en même temps, on va quand même leur faire l'honneur de parler chacun à leur tour d'eux-mêmes. J'ai dit Finn, Rey et Poe, donc on va les prendre dans cet ordre-là. Puis à la rigueur, c'est l'ordre dans lequel ils apparaissent presque. Ouais. Même pas presque, c'est sûr. Non, oui, c'est Poe en premier, c'est vrai. Alors on va parler de Poe en premier, du coup. Poe Dameron, qui est donc le fils de cette pilote que l'on découvre dans le préquel comics. Voilà le lien entre le préquel comics Marvel le film, c'est que Poe Dameron est le fils de la pilote, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, qu'on découvre dans cette histoire en 4 parties chez Marvel. Voilà. Qu'avez-vous pensé de Poe? C'est présent. Voilà. Moi, je trouve qu'il a. Il a du potentiel. Oui, il y a du potentiel, mais je trouve qu'il est très bien interprété d'ailleurs. Ah ouais, oui, il est très. Oui, il est très cool. Hein. Ouais, je l'ai trouvé hyper charismatique. Bien interprété par Apocalypse. Ouais. C'est ça. L'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que la première fois qu'il apparaît, déjà qu'il apparaît avec quelqu'un aussi qu'on connaît pas. Donc on est là, on se dit bon, c'est qui ces deux gens-là? Donc c'est vrai que dès le début, il est pas mis en situation de façon. À la rigueur, ça me dérange pas, parce que je trouve, en fait, j'ai trouvé dès la première scène, bah, que le personnage dégage dégageait quelque chose. Je suis d'accord. Il dégageait quelque chose. Je sentais que c'était un personnage qui allait être important et je l'ai trouvé très charismatique, que ce soit dans son interprétation. Je trouve qu'il a une gueule. Et honnêtement, c'est vrai que c'est certainement le personnage que j'ai regretté le plus, c'est de ne pas l'avoir vu assez parce que globalement, dans toutes les scènes où il était vraiment très bon. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage. Non, c'est clair qu'il est très appréciable, confrère personnage. La première fois qu'il apparaît, il y a déjà, c'était pas un problème, mais j'étais plus en train de me demander qui c'est le vieux. J'étais plus intéressé par le vieux parce que lui, il est vieux, donc il a peut-être un rapport avec la trilogie d'avant. Donc, peut-être, j'essayais de le chercher. Donc, déjà, la façon dont il est introduit, je pense, moi, à lui. Ensuite, la deuxième fois qu'il apparaît, on est en train de se demander d'où il sortait. Quand il revient pour les sauver. La troisième où il revient dans le vaisseau, on sait pas où il est passé, on sait pas ce qu'il voûtait. Bon, bah, il réapparaît comme ça, on se dit, d'où il sort encore. C'est là que le nouvel univers étendu aura sa force, c'est qu'on va apprendre ça dans un roman, Et ça va être super cool, parce que la rigueur, t'as ceux qui se contentent de voir le film, mais la rigueur, oui, il raconte qu'il a survécu, qu'il s'est extirpé du truc, machin, ok. Après, si tu veux être complétiste et que tu veux vraiment, comme moi, savoir ce qu'il a vécu sur Platon, tu vas aller lire un roman où tu vas aller voir un comics, c'est ça. Et la grande. Je trouve ça plutôt cool. Mais effectivement, c'est clair que voilà, moi à chaque fois que je le voyais à l'écran, c'était plutôt plaisant à regarder. Et surtout son petit, c'est lui d'ailleurs qui lance un peu la partie, qui donne le ton humoristique de l'épisode avec Finn et notamment le fameux FN. Il a un petit non, même dans sa manière de s'opposer à Kylo Ren au tout début. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Star-Lord. Oui. C'est une espèce de petite provocation. Star-Lord qui m'a dansé face à Ronan. Qui lui dit comment ça se passe. Je parle, tu parles. Enfin voilà, c'est et qui après insiste. En plus, il insiste quoi. Et alors qu'il a quand même face à lui, un personnage qui est parmi les plus puissants de la galaxie. Je sais pas. C'est à voir encore. A priori, on a quand même quelqu'un d'ultra puissant là. Ouais, oui. Complètement. La performance d'acteur de qui? Oscar Isaac. Ouais. Excellent. Oui. Excellent. On est d'accord, c'est une réussite pour ce personnage. Déjà, t'es content de savoir qu'il sera là dans les. C'est ça. Bien sûr. Par contre un peu en opposition, si tu regardes ce qui se passait dans la trilogie par exemple, on avait Luke Skywalker qui à la fois jouait le rôle de Jedi et à la fois jouait le rôle du pilote Donc là on a enfin un pilote mais totalement isolé qui pourra jouer à plein temps le rôle de pilote. Donc ça c'est pas non plus un négligeable, c'est plutôt bien pour l'évolution de la trilogie, de la nouvelle trilogie. Juste après l'apparition de Poe, on découvre un Stormtrooper un peu paniqué, limite crise d'angoisse, qui va lever son masque, donc FN-2187, qui va très rapidement prendre le nom de Finn, grâce à Poe, donc. Au début, j'ai pensé à Jean-Marie, mais je sais pas pourquoi. Jean-Marie. Finn, est-ce que vous êtes mitigé par rapport à ce personnage? Est-ce que vous êtes complètement emballé ou comment ça se passe? J'ai bien aimé son personnage. Moi, il m'a plu. Pardon, fini. Il t'a plu, mais il y a un mec qui arrive là. Non, mais Eric, j'avais pas fini. Ah non, j'allais juste te dire que comme pour Poe, je trouvais son introduction aussi, comment dire, parce que en plein de bagarres comme ça, t'as les Stormtroopers, il y en a un qui meurt à côté de lui et subitement lui, le fait qu'on n'avait pas introduit ou on n'avait pas vu son malaise, le début de son malaise en quelque sorte ou quelque chose, j'ai trouvé ça un peu. Au début, t'as du mal à comprendre son indécision ou son envie de ne pas appartenir à la rébellion. Au premier ordre. Donc, du coup, ça, peut-être, je trouve que c'est un peu très juste. Donc, tu ne rentres pas totalement dans son personnage. Mais c'est après, quand il commence à sauver, Finn, que tu commences à te laisser adoucir par lui. Mais tu n'es pas toujours à fond avec lui parce que tu ne sais pas pourquoi son combat. Tu ne sais pas pourquoi il ne veut pas appartenir au premier ordre. Et déjà, tu ne sais même pas pourquoi il a. Simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec les idées. C'est pour ça que je dis, au début, tu ne peux pas vraiment. Tu ne peux pas tout avoir dans les 10 premières minutes. Non, moi j'ai bien aimé le personnage, mais effectivement, ouais. Mais il y a des moments, c'est vraiment la caution comique du film, et j'ai trouvé que par moments l'humour tombait un peu à côté. Genre, il y a quelques blagues qui sortent vers la fin du film que j'ai trouvé pas déplacées, mais qui tombaient un peu au mauvais moment, ou qui n'étaient pas forcément nécessaires dans certaines scènes. Je pense par exemple au moment où il rentre, il y a un petit commando qui va sur l'étoile noire numéro 3 pour et ils veulent enlever les comment ils veulent enlever le bouclier et enfin le champ de force de protection et ils kidnappent enfin en gros ils kidnappent Captain Phasma pour l'obliger à enlever le champ de force et là la blague de t'as vu Captain Phasma c'est moi je suis ton chef oui, je te non. domine moi, ton ça chef ça m'a fait rire j'ai ben, pas, alors, bah, moi j'ai vous l'avez vu pas en... trouvé ça drôle hein. Toi tu l'as vu en VO et t'as été un peu si tu l'avais vu en VF ce passage Eddie Murphy quoi le mec hystérique le mec qui fait la VF est hystérique. Bah moi j'ai trouvé que ça là, c'était pas approprié avec la scène en elle-même mais ça changeait un peu de nulle part. Ouais, en VO c'est passé crème pas de problème. Bah ouais, ouais franchement moi ça passe bien hein. Ça fait un peu le mec qui devient un peu le boss de son boss et qui lui dit voilà dans la gueule tiens vas-y pousse ça dans ta gueule pris, voilà ça m'a pas ouais bah avec moi c'est pas passé. Finn et on en parlera tout à l'heure aussi avec Rey. Finn et Rey pour le coup c'est deux ajouts de cette trilogie mais c'est en fait c'est les deux c'est nous quoi en fait c'est les deux c'est geeks ça. Qui connaissent tout de ce qui s'est passé ou presque et c'est on a Finn qui est là qui est émerveillé par le nom de Luke Skywalker quand il entend le nom de Han Solo vous êtes Han Solo etc et tu as Rey qui est encore plus loin parce que elle c'est vraiment la fan hardcore elle représente la fan hardcore de Star Wars etc ou à dire non c'est pas un mythe un héros, c'est un contrebandier. C'est ça qui est bien, il représente un peu... Justement, je l'ai encore plus apprécié. J'ai bien aimé le personnage, à part quelques moments humoristiques comme ça qui m'ont déplu. Et j'ai encore plus apprécié le personnage dans son interaction avec les autres, notamment avec Rey. Le moment où il découvre le Faucon Millenium avec Rey, et que tous les deux se réapproprient le Faucon Millenium, c'est vraiment la nouvelle génération qui se réapproprie Star Wars, clairement. Du coup, j'ai adoré ce passage. Oui, mais il est bien quand il dit non, ça c'est un tas de ferraille. Elle fait mais non, c'est pas un tas de ferraille, c'est le Faucon Millenium. Ah non, c'est elle qui dit en premier, c'est un tas de ferraille. Oui, quand c'est elle qui dit un vaisseau, et lui dit en prenant celui-là, elle dit non, ça c'est un tas de ferraille. Et quand ils arrivent devant le vaisseau, il les prend, il se fait exploser, ensuite il prend celui-là. Et c'est Han Solo qui lui dit que c'est le Faucon Millenium. Enfin bref, ils sont quand même assez émerveillés par le vaisseau et à l'intérieur. Et c'est exactement ils sont émerveillés. Que lorsqu'on leur dit que c'est le Faucon Millenium au début tu vois qu'ils prennent leurs pieds je suis d'accord avec Arish ils savent pas que c'est le Faucon Millenium mais ils sont quand même dans un vaisseau et ils trouvent ça cool et nous on est dans la même situation on revoit un vaisseau qu'on a vu qu'on aime et on trouve ça cool ce que en plus comment Rey pilote le vaisseau, formidable. J'ai vraiment adoré cette réappropriation du mythe Star Wars. Et puis, puisqu'on est sur Rey, enfin les interactions entre Finn et Rey, franchement, moi j'ai adoré quoi. Je trouve que c'est une des grandes forces du film. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a une alchimie entre les acteurs. Pour terminer sur Finn, moi perso, je pense que c'est mon coup de cœur. Mais juste un élément juste sur lui aussi, c'est que enfin pour la première fois un Stormtrooper a de l'importance. On voit ce qu'il y a en dessous du masque en quelque sorte. Il est quelque chose. Pardon, Eric, je te coupe. C'est la représentation de l'humanisation un peu des Stormtroopers. Ouais. Et ça, c'est une idée vraiment fantastique. C'était déjà présent dans Clone Wars, la série animée. Ouais. Si vous l'avez tous suivi ou quoi, parce que non. C'était déjà dans Clone Wars cette idée de l'humanisation des Stormtroopers, ça a été repris ici et c'est vraiment une super idée quoi. La scène où en effet il est Stormtrooper, il prend un mec dans ses bras qui lui met une marque de meurtre comme ça. C'est une bande de clones sans âme ni rien, qui sont juste des clones de Jango Fett. C'est juste des humains en dessous, c'est vraiment et qui sont un peu embrigadés, pris sous la coupe d'un empire ultra autoritaire, ultra constructeur. Ils ont toujours vécu ça, puis ils sont pris dès la naissance, ils sont formés dès la naissance. Le premier rang s'arrache à leur famille, etc. Et en plus, ce que j'adorais dans ces trois personnages-là, c'est que pour une fois, on a quand même de la diversité. Disney ose quand même proposer en héroïne, enfin en personnage principal, une héroïne qui n'est pas sexualisée, qui ne sert pas juste d'atout féminin à une relation amoureuse comme c'était le cas de Princesse Leia dans la première trilogie. On a quand même une héroïne badass pas sexualisée, et on a un héros noir et un héros latino. On a quand même beaucoup de diversité. Et d'ailleurs, pour un film Disney qui va par la suite. Quand même, ça va permettre, déjà le Ré va permettre aux petites filles de s'identifier à une femme qui n'est pas juste une princesse qui se laisser sauver par l'homme parfait. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils ont déjà commencé ce processus-là aussi, quand même. Oui, Disney, tous leurs films, c'est une princesse. T'as des classiques Disney, évidemment. Ouais, t'as les classiques Disney. La Reine des Neiges aussi. La Reine des Neiges, c'est une femme forte, puisqu'elle, elle n'a pas besoin de Prince Charmant pour se sauver. Donc là, on a. C'est sa sœur qui la sauve, aidée par un mec. Mais d'ailleurs, il se moque de cette espèce d'héroïsme à la con, parce que Finn, il prend son bras et trois fois, elle lui dit. Oui, lâche-moi toute seule. J'ai pas besoin de toi, pourquoi. Ou même quand il la voit pour la première fois, il y a deux Stormtroopers, il me semble que c'est des Stormtroopers qui lui. Non, c'est des Stormtroopers. Qui lui, enfin, bref, il y a des ennemis qui lui sautent dessus pour la kidnapper. Et lui, il court pour essayer de la sauver. Et une fois qu'il arrive, elle a déjà défoncé tous les bad guys. Hein. Ouais, en gros, il sert à rien. Après, elle lui court après. Ouais, et après, pareil, le moment où il prend la main, il dit, mais j'ai pas besoin de toi. Non, c'était des hommes du mec là qui voulait. Ouais, on s'en fout, vous avez compris mon point de vue. Non, mais par contre, juste un point aussi que j'ai trouvé aussi bien qui passait, c'est comme tu disais, t'as dit c'était le marquage du Stormtrooper. En même temps, ça montrait, ça permettait aussi de l'isoler, mais ça permettait aussi de comprendre que ils sont tellement nombreux que on peut pas vraiment s'intéresser à une personne sans du coup avoir un point distinctif. Trois doigts ensanglantés. Enfin, aussi, en plus, le sang, c'est la particularité de l'être humain. Ça l'humanise en quelque sorte. Il y a un truc que je trouve qui est. Ça humanise le mal. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que finalement, ça n'était pas vraiment le cas dans la première théorie, même dans la deuxième. C'est que quand Finn cherche il commence à douter à Paris, il enlève son casque. Et quand t'as le capitaine Fatma qui lui dit on vous a pas donné l'autorisation d'enlever votre casque, je trouve que c'est plutôt intelligent, parce que ça montre justement que les Stormtroopers ont ce côté, ils ont la même identité quand ils ont leur casque, donc ils sont déshumanisés. Et là, on lui reproche justement à Finn d'avoir enlevé son casque et ça fait quelqu'un d'humanisé en fait. De devenir quelqu'un. On lui redonne son humanité. C'est ça, et j'ai trouvé ça super intelligent, vraiment. C'était vraiment. Ouais, sa différence en fait. Allez, je vous propose de passer à Rey maintenant. Alors, Rey qui est aussi une des révélations évidemment de cette nouvelle ère de Star Wars. Couture pour Clément carrément. Couture pour vous autres aussi ou... Ouais. C'est facile, mais oui. Moi moins que Finn, mais après c'est voilà. L'actrice est vraiment excellente. Franchement, oui, clairement, elle est très bien. Et c'est une fille qui n'a jamais fait de long métrage. Oui, c'est ça. Ouais, elle était serveuse il y a 3 ans, elle disait. Ouais, elle disait. C'est incroyable. Non, mais franchement, j'ai... Mais elle n'est pas british par hasard ? Si. Oh, y a un accent. Hein. Comme la moitié du casting. Ouais, vas-y. Puisque ça a été tourné à Londres. Ah, d'accord. Je pense que Poe et Dark Vador aussi. Dark Vador. Enfin, moi, autant tu peux avoir. Poe, non, il est américain. Autant tu peux avoir des. Enfin, latino. Kylo Ren, il est bien. Le pauvre Clément qui essaye. Non, il est américain, Kylo Ren. Sérieux ? Pardon. Oui. Pardon, Clément, vas-y. Je disais, autant tu peux avoir des actrices qui vont rendre un personnage complètement gnangnan. Ou pas du tout, pas coucou, mais ça Benoît. Là déjà, le personnage, j'ai adoré le personnage parce qu'on a enfin un personnage féminin principal qui est l'héroïne principale, qui est un personnage fort, qui se laisse pas marcher par des mecs. Bah, on parlait des interactions au début avec Finn, j'ai adoré. Et vraiment, et l'actrice, moi, je trouve qu'elle a vraiment dégagé quelque chose dès le départ. J'ai trouvé très charismatique et franchement, je trouve que c'est une excellente surprise, d'autant plus que finalement, son importance. Par rapport à ce qui était pour le coup la bande-annonce nous a fait complètement mentir quoi. On ne l'a pas vu franchement je ne m'attendais pas bon sauf si tu lisais les spoils que tu voyais le merchandising et tout ça tu pourrais douter bon, honnêtement ceux qui n'ont pas vraiment suivi là-dessus qui ont vu que les bandes-annonces c'était impossible de me douter qu'en fait c'est ce personnage-là qui allait avoir une importance cruciale et ça a été aidé par l'actrice que j'ai vraiment trouvé excellente. Non, non, mais c'est clair que moi, à chaque fois que je l'avais devant l'écran, j'avais presque des étincelles dans les yeux quand je quand je la regardais. Parce que, en même temps, c'est quand même celle qui est dessinée en plus gros sur l'affiche, Clément. Donc, vraiment, si tu ne doutes pas que ça va être le personnage. mais le côté design et tout, quoi. Moi, je n'y attendais pas forcément. J'ai bien aimé. Et surtout aussi le côté où, parce que à partir d'un certain moment, tu n'as qu'une envie, c'est quel est le sabre entre les mains. Ouais. En même temps, on te fait patienter, on l'éloigne du sable, tu te dis merde, tu attends. Et aussi la scène où elle essaie de se faire libérer par un Stormtrooper. Daniel Craig, ouais. Ouais. C'est Daniel Craig ? Ouais, dans le costume, oui. Non. Ça a été révélé aujourd'hui que c'était lui. Oh. Il y avait une grosse rumeur comme quoi il avait fait un caméo, qu'il avait joué un petit rôle figurant et tout ça, qu'il avait démenti avec force, et aujourd'hui c'est sorti, voilà, c'est lui, ce fameux Stormtrooper. T'entends la voix, mine de rien, tu t'en doutes, en fait. Enfin, j'ai pas fait attention. J'ai pas remarqué. Celui qui la libère, celui qui la détache. C'est Daniel Craig, ouais. Donc, passer l'effet de surprise, Irish, vas-y, continue. Par rapport à cette scène où justement où elle commence à découvrir en gros à découvrir en quelque sorte ses pouvoirs au final. Et ouais, voilà, c'était tout. Après, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu gêné, et ça fait partie des quelques facilités du. Il y a quand même quelques facilités dans le film, hein. C'est en ce sens-là aussi, Warno, quand tu disais qu'il n'était pas parfait tout à l'heure, je suis bien d'accord. Il y a quand même de grosses facilités, notamment son aptitude, et même pour Finn, à manier le sabre laser. C'est un gros problème. Sans aucune formation, ils arrivent quand même les deux à tenir plus ou moins tête à Kylo Ren qui. Finn, c'est quand même un peu désordonné. Surtout Finn, encore, tu te dirais, elle utilise la force, ok. C'est bancal, mais... Ils sont face à quelqu'un qui a été formé par Luke Skywalker, quand même. Finn, moi, j'ai pas été choqué, parce que lui... Ouais, vas-y, pardon. Finn, c'est pas un Jedi. Hein. Oui, mais son utilisation est désordonnée. Tu sens qu'il sait pas se battre avec un... Ouais, il arrive quand même à défoncer Kylo au début, avant que tu lui pètes la gueule. Film, tu vas pouvoir faire des mouvements avec, mais... Et même dans la bataille, plutôt dans le film, la première fois il l'utilise, certes, il y a 30 secondes où il galère un peu, mais après, il est quand même assez habile. Mais après, il défonce des soldats entraînés. Ah, moi, j'ai pas trouvé habile du tout. Justement, la preuve, c'est que t'as un Stormtrooper qui vient avec une sorte de fusil dont il se sert comme un sable et il le défonce totalement. Alors, quelqu'un de pas habile dans l'univers Star Wars, c'est Jar Jar Binks dans une bataille. Il est tout sauf pas habile. Oui, mais tu vois bien que quand il y a quelqu'un qui peut vraiment, il peut pas y arriver. À la limite, il est même laissé pour mort. Par contre, je peux être d'accord avec ça concernant Rey, parce que moi ça me choque moins, ça m'a moins choqué parce que je me dis à la commande avant d'avoir le sabre laser un bâton, donc je me dis ça peut se rapprocher d'un sabre laser, ça m'a moins choqué. La force, parce que la force c'est pas le maniement du sable. Oui, mais quand même, il y a quand même une certaine technique au maniement de cette arme. Oui, je suis d'accord. Ni l'un ni l'autre n'y ont été formés, même si. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est la force, ça n'explique pas qu'il puisse battre Kylo. Ça renvoie un peu à. Il y a deux choses qui m'y font penser, c'est que ça renvoie un peu genre dans le 4 où Luke, quand il rencontre pour la première fois Ben Kenobi, il lui montre le sable de son père, et ensuite quand ils sont dans le Faucon Millennium, quand Han Solo les prend en charge pour une première fois. Il s'entraîne avec une espèce de petite boule qui tire et déjà il est habitué à l'usage de la force, et déjà je pense qu'il peut montrer quelques aptitudes de combat, donc de ce côté là bon, et le fait en effet que Rey contrôle la force, c'est pas non plus très très choquant, mais il y a aussi c'est moins choquant que ça pourrait l'être pour Finn, c'est sûr. Après, l'autre chose, c'est que Kylo Ren lui-même est pas très, enfin n'est pas non plus, enfin sa formation n'est pas complète. On en reparlera de lui tout à l'heure. Sa formation n'est pas complète et lui d'ailleurs ça se voit, il est complètement torturé, enfin il est jusqu'au dernier moment il est encore un peu attiré par le côté lumineux, tout ça, enfin il voit Rey qui le déstabilise. Clairement, et ça se voit dans l'interprétation d'Adam Driver, ce qu'il fait, notamment qu'Adam Driver est vachement bon, je trouve, c'est que justement il y a une instabilité de Kylo Ren et qui fait que c'est pas encore non plus le Vador qu'il aimerait être. Pour continuer, j'ai envie de dire, voilà, et très rapidement, je vous demande juste un oui ou un non, est-ce que ces trois personnages-là ont le potentiel de faire rêver une nouvelle génération comme Han, Leia et Luke nous ont fait rêver, nous? Oui, complètement. Complètement. C'est, et c'est le but de Disney. Surtout aussi quand tu vois la jeunesse, ça peut être le but. Et qu'ils sont super jeunes. Ah, mais c'est leur but et il n'est pas raté pour moi. Voilà, là, pour le coup, c'est réussi. On est d'accord. Bah, je pense que c'est aussi le fait qu'ils sont tous super jeunes. Tu sens que c'est des gens qu'on veut faire évoluer avec. Bah, clairement, oui. Bah, si, ils sont très, ils sont très jeunes. C'est limite des collégiens. Bah, ils ont 20 ans. Oui, non, je suis cassé, ils ont 20 ans. Vous m'avez pas laissé faire. Surtout quand tu vois la gueule d'Adrian Driver quand il enlève son masque. Exactement, c'est pas possible. Est-ce que Clément a le droit de parler? Clément. Vous m'avez pas laissé terminer. Ou même commencer. Hein. Bah, allez, vas-y maintenant. Mais vos gueules. J'arrive pas à remplacer une, je sais pas. Non, je disais. Mais Clément, je suis pas d'accord. Hey, putain, sérieux, vous êtes relou là. Ils ont fait le truc, genre, on parle plus pendant ça. Je disais, c'est pas parce que forcément le fait qu'il soit jeune, tu peux très bien voir le fait qu'il soit jeune et ça pourrait couper. Je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'il y a vraiment, moi j'ai vraiment ressenti une alchimie entre les acteurs. Alors tu pourrais très bien voir des jeunes acteurs, mais ils trouvent pas du tout d'alchimie, ça pourrait très bien louper. Je pense que c'est surtout parce que voilà, il y a vraiment une alchimie entre les acteurs. En ça, ça serait loupé. Oui, et puis pour conclure, avant de passer à BB-8, Poe n'est pas si jeune que ça. Oui, en plus. Oui, c'est censé être le meilleur pilote de la Résistance, à mon avis. Il est toujours plus jeune que Leia et Han Solo. Je pense qu'il est dans les mêmes âges que Leia dans à l'époque. Je pense, ouais. Mais plus encore, ils peuvent carrément être une vraie nouvelle génération qui va faire kiffer les gens. En tout cas, j'espère. Et vraiment, je trouve. Mais surtout, ils ont quand même, et malgré tout, ils ont quand même leur identité, quoi. On parlait, ouais, notamment de l'effet nostalgie qui était totalement inscrit par rapport au dialogue, genre, comment elle s'appelle, Rey, qui dit à Han Solo, c'est vous qui avez fait la course en 14 par sexe, tout ça, et qui connaît, qui est fan, etc. Il y a vraiment une espèce d'identité prise par là. Et ensuite, bon, chacun a sa manière de faire. Elle, c'est un peu une pièce d'épave. Bon, certes, elle ressemble à Luc, mais alors aussi elle tient aussi par le fait que cette fois c'est une espèce d'héroïne principale. Finn, c'est quand même un Stormtrooper qui a décidé de se rebeller contre sa condition, et ça c'est quand même assez balèze. Et Poe, c'est quand même le, alors je peux me tromper hein, mais un mec, enfin une espèce de figure de proue comme chasseur X-Wing, il me semble qu'il n'y en a pas dans les autres. Mais dans son caractère, pour moi, Poe, c'est le prochain Han Solo. Oui, voilà. Je pense aussi. C'est carrément ça, de toute façon. Et d'ailleurs, c'est lui qui devrait avoir la veste en cuir, quelque part. Allez, on passe à BB-8, le R2-D2 nouvelle génération, parce qu'il y a quand même une grosse similitude. Voilà, c'est vraiment c'est R2-D2 passé à la moulinette du 21e siècle. Ce BB-8 qui semble être un espèce de coup de cœur de mignonnerie pour beaucoup, est-ce que ça vous l'a fait aussi? Totalement. Ah mais oui, je veux l'adopter. Je le veux. J'ai vu Arnaud. Moi je le veux. Alors que moi, après avoir vu le film pour la première fois, j'avais dit Arnaud, je ne l'ai pas aimé une seconde. Oui. Bah, et moi, j'en ai voulu. Je ne suis pas à ton point, je l'ai pas aimé, mais franchement, j'en fais pas tout. Tout un foin comme les deux autres là. pour moi, BB-8 m'avait dérangé la première fois où j'ai vu. La deuxième fois, beaucoup moins, et il y a un écho des. Non, il est trop mignon. Enfin, moi, en voyant BB-8 pour la première fois, j'ai ressenti la même chose qu'en voyant R2-D2 pour la première fois. Ah, pas du tout. Ah non, moi j'ai ressenti le film de. En voyant BB-8, moi j'ai vu la machine à jouer, la machine à fric. Non, c'est Disney, on le sait d'avance, ça. Et bah ouais, et bah la première fois que j'ai vu le film, ça m'a dérangé. Surtout que le côté R2-D2. Non, moi je me suis laissé happer par le film en lui-même et j'ai pas pensé à. Enfin, je sais qu'il y a du merchandising et tout ça, mais j'ai réussi à vraiment être happé par le film. Je sais qu'il y a du merchandising, et, enfin, c'est Disney, c'est la maison Afrique. Mais franchement, j'ai réussi à être happé par le film et à rester vraiment dans cet univers-là et pas à me laisser déborder et penser à tout ce qui est en dehors du film. Et j'ai réussi à adopter la mignonnerie de BB-8 sans forcément. Tu sais, pour faire adopter quelque chose de mignon à Arnaud, faut le faire. Mais après, désolé, j'ai du goût, c'est pour ça que j'aime pas Gotham. Après, touché. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, du coup. C'est pas le, déjà le personnage en lui-même, j'en avais pas déjà à la base avant voir le film, je m'en foutais un peu quoi, enfin il y avait pas de hype autour de lui. après c'est ça justement qui m'a dérangé, c'est cette la première fois que je l'ai vu, je répète hein, parce qu'après quand j'ai vu le film pour la deuxième fois j'ai plus du tout eu ça, et j'ai plutôt apprécié ce droïde. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est à quel point on insiste pour nous le rendre mignon, pour qu'il nous attendrisse, avec le fait qu'il a jusqu'à baisser la tête quand il apprend que Po s'en est pas sorti, son espèce de petit pouce là qui sort avec son briquet. Alors oui, c'est rigolo, mais c'est Mais BB-8, voilà. C'est nous aussi. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'ils lui ont donné un peu trop d'émotions. Et puis ça va jusqu'à même il pousse même ça jusqu'au fait qu'il a le petit morceau de carte qui va venir compléter la carte de R2 et que justement c'est ce que je disais au tout début, c'est le lien entre l'ancien et le nouveau. Mais là, dans ce cas-là, moi, ça m'avait dérangé parce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu le film, j'ai ressenti, et c'est le seul pour lequel ça m'a fait ça, j'ai ressenti le fait qu'on voulait nous imposer qu'il était mignon et qu'on voulait l'acheter. Ah mais oui, ça, je suis d'accord. Contrairement à R2 était pas aussi, enfin, je sais pas si mais était pas aussi émotif niveau émotion. Émotif, non. Il était peut-être aussi émotif entre guillemets, encore que pour un droïde, c'est difficile de dire ça, mais il déclenchait moins ça, peut-être. Bah, mais enfin, il est quand même plutôt mignon. Enfin, tous les gosses adorent R2-D2, et oui, même s'il n'avait pas, il a pas la tête qui peut bouger quand un personnage meurt, mais il essaye quand même de faire passer des informations différentes sur ce qu'on peut ressentir. Il fait pas les mêmes bruits de la même manière. Il y a les couleurs. Enfin, il a aussi des LED de différentes couleurs. Enfin, ils essaient quand même de faire dire autre chose de différentes manières à R2-D2. Ils ont fait pareil avec BB-8. Et d'accord, je suis totalement d'accord avec toi qu'ils ont essayé vraiment de le rendre super mignon pour vraiment vendre des figurines, des jouets, des BB-8 électroniques et compagnie. Mais ça fait partie du truc aussi. C'est parce que tu parles à un public familial. Faut pas oublier Disney ce que c'est aussi. On le sait très bien avec Marvel et compagnie. Ils ont déjà fait un merchandising énorme avant le film. Il y a déjà des trucs. Bah oui. Ils ont fait un événement pour dévoiler des jouets. Oui, non mais d'accord. Oui, non mais ça, d'accord. On est pareil. Ça, c'est voilà. C'est... Enfin moi, ça me. Enfin. Ça aussi. Ça m'a emmerdé. Comprendre comment fonctionne Disney, comment fonctionne le cinéma aujourd'hui. Et franchement, ça m'a pas dérangé. En soi, dans le film, il est certes mignon, on te le rend vraiment mignon pour que à la sortie tu l'adores et que tu veux acheter le jouet pour toi ou pour ton gosse. Hein. Mais en soi, ça c'est pas comme si dans le film, hein, à un moment, il prenait la pause et t'avais une voix qui disait vous pouvez nous l'acheter. Quand il sort son petit briquet pour faire un pouce, excuse-moi, mais je vois le sous-texte. Hein. Oui, certes, mais enfin ça. C'est pas hors de propos, ça rentre bien dans le film, je trouve. Je vais juste comparer en termes de mignonnerie à un autre récemment qui nous a fait acheter des figurines et qui avait clairement son objectif, mais qu'on n'a pas voulu nous l'imposer. C'est le Groot avec le Baby Groot. La façon de le présenter, on nous a pas survendu, on n'a pas fait des caisses. Il apparaît dans une scène, c'est pour ça que je dis ça. Il apparaît dans une scène qui est immédiatement devenue culte. Ils avaient peut-être même pas prévu de faire des jouets Baby Groot puisqu'ils les ont lancés. Ils ont annoncé ça quand même après, plutôt après, quand ils ont vu l'ampleur que ça prenait. Je suis pas certain qu'ils avaient planifié au niveau du marketing de sortir tout un tas de trucs autour de Baby Groot. Et du coup, ça se ressent. On nous l'impose pas. Alors que BB-8, moi, j'ai ressenti qu'on me l'imposait et qu'on m'imposait de penser qu'il était mignon et que j'avais envie de l'acheter. Ouais. Certes. Enfin, personnellement, je préfère un BB-8 à un Baby Groot, même si je trouve Baby Groot super mignon aussi. Je préfère un BB-8. Hein. Ouais. Et certes, même si tu sens peut-être que Disney essaie de peut-être l'imposer davantage que Baby Groot ou d'autres personnages, mais ça ne détruit pas non plus le film hein, et ça ne vient pas non plus. C'est pas comme si chacune de ces scènes était fait pour te faire vendre. C'est pas non, enfin, ça te déconstruit pas le film et ça, j'ai pas trouvé ça si gênant que ça. Même si tu le sais en tant qu'adulte, tu sais que c'est fait pour. Les gosses vont pas le voir, mais nous on le ressent. Mais j'ai pas trouvé que non plus ça te sortait du film. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas sorti du film. Je le sais pour tout. Je le sais pour les vaisseaux, je le sais pour les nouveaux personnages, pour les sabres laser. Mais c'est pas dérangeant. Mais je ne le sens pas. Alors que pour BB-8, je l'ai senti. Et c'est là où ça m'a gêné. Après qu'ils le fassent, je m'en fous. C'est une entreprise, ils doivent faire du fric, machin. Ok, ils surfent sur un personnage mignon, machin, tout ça. C'est vrai. Mais là, je l'ai senti. Et à partir du moment où je le sens, ça me gêne. Bah moi non. Ouais, mais je suis pas trop. Mais après voilà, BB-8 est sympa, et c'est un personnage, c'est un droïde intéressant. Et on a également la passation de pouvoir avec R2 qui est intéressante, etc. Ouais. Enfin, voilà, il y a pas de souci là-dessus. C'est, ça reste un très bon ajout à cette nouvelle mythologie. Et voilà. On a eu Jar Jar, on a BB-8. S'il te plaît, voilà. Je vais pas aller aussi loin, tu vas faire des ennemis. Je l'ai fait exprès. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi ces 3 PO a son bras jaune à la fin ? Non. Ah non, il est jaune. Dernière scène, quand il fait coucou, il a le bras doré. Hein. Ah oui ? Déjà, pourquoi il a un bras rouge, ça fait pas vraiment de sens, et à la rigueur, on s'en fout. Vous auriez pu lui laisser un bras jaune. Du coup, j'ai regardé son bras rouge, et à la fin, il fait coucou à Ray qui s'en va, et il a le bras doré. Ah, il me semblait bien qu'il avait un bras doré, j'étais pas sûr. Du coup, je l'ai revérifié la deuxième fois où je l'ai vu, et il a bien le bras doré. Ah, j'avais pas capté. Et d'une minute à l'autre quasiment, parce que ça se passe très peu de temps après une autre scène où on le voit avec le bras rouge. Donc bon, après c'est du détail. Je suis pas sûr que ce soit une erreur. Je pense qu'il y a quelque chose, mais on sait pas pourquoi ni comment. Mais voilà, ça peut pas être une erreur. Après, j'ai pas trouvé ça intéressant. Enfin, j'ai pas trouvé ça utile de. Il a dit, il a dit coucou, j'ai un bras rouge. Enfin, on s'en fout quoi. Il a dit, il a l'air. Ça sert à rien. Ouais. En fait, le truc c'est que c'est lui qui met l'accent dessus, donc je pense que ce sera c'est une sorte de setup payoff quoi. Ça sera utilisé sûrement dans les. Oui, peut-être qu'on saura pourquoi ou comment. Ouais. Enfin, bref, une explication. Allez, on va passer les droïdes. On va attaquer un des gros points parmi les nouveaux personnages. Kylo Ren, celui, comme je vous ai mis dans le conducteur, celui qui marche dans le sang de papa pour suivre les pas de papy. Alors, bon résumé. Je peux commencer. J'ai adoré le personnage au début, ses intros, jusqu'à ce qu'il enlève son masque. C'est parti de ces gens qui ont ri quand il a enlevé son masque. Bah oui, mais totalement. Mais déjà, en fait, le problème, quand il enlève son masque, c'est la banalité. Il est tellement banal. En dessous, rien. La touffe de cheveux, c'était ridicule. Bah oui, mais c'est le problème. D'accord du tout. Moi, je l'ai ressenti deux fois de manière différente. Je l'ai ressenti la première fois comme toi, Irish, et limite comme toi, Arnaud. Du coup, effectivement, j'avais envie de rire parce qu'il est ridicule en fait quand il. Ouais, j'ai pas ri, mais j'étais. Mais du coup, la deuxième fois, un peu plus au calme, machin, tout ça, je l'ai ressenti comme en fait, sous les Stormtroopers, il y a des humains comme tout le monde, et sous le masque de Calvin, il y a un humain comme tout le monde. Ça le propos. Alors oui, le contraste est difficile, mais c'est intéressant. C'est totalement l'inverse, c'est l'opposé même. Si je dois faire un parallèle, moi je me suis dit, c'est pour le contraire de Vador, c'est enlever le masque, c'était un mec à moitié mort-vivant ou complètement Il était plus machine comme, hein. Il n'y avait plus grand chose. Alors que là, tu t'attends à voir un mec complètement, tu t'attends à voir un mec chelou et tout ça, et en fait, il enlève son masque, et en fait, c'est limite un cosplay quoi. Parce que vous vous souvenez, la première chose qu'il fait après ça, c'est d'aller se plaindre devant le suprême leader comme un gamin à qui on a piqué sa PlayStation. Mais c'est un gamin qui fait sa crise d'adolescence. Une crise d'adolescence. Méchant, sauf que c'est le méchant d'une. Mais oui, mais c'est une crise d'adolescence de niveau galactique là. Ouais, mais ça il est pas content. Il est pas content après papa et maman. Il va voir les méchants. Oui, mais c'est qu'on nous a fait un miroir, comme on a dit, une copie d'un Star Wars. Donc du coup. Là, c'est plus une copie, c'est quelque chose d'original. C'est ce que tu voulais. Que ce soit original, mais je suis désolé. Quand on l'a introduit, quand tu vois la première fois qu'il apparaît dans les champs, mais excuse-moi, mais moi je le trouvais d'une puis, folle. C'est pas un miroir de Vador. Non, Vador, c'était un maître Sith. Lui, il est encore en apprentissage. Non, mais je parlais par rapport aux. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais moi je parle quand on l'a introduit. Mais moi déjà je le trouvais, mais déjà son masque je trouvais génial. La voix elle est sublime. Pardon, mais à chaque fois qu'il parlait, mais j'adorais. Je voulais juste les autres fermer vos gueules, laissez-le parler. Et comment il donnait des ordres à son pas, c'était pas son second, mais l'autre qui était plus général, qui gérait les sentinelles et tout. Voilà. Comme la façon de lui donner les ordres, il s'est défini comme quelqu'un de puissant. Et ma déception elle va encore plus loin parce que ok, je peux comprendre que lorsqu'il n'a pas son masque, il est très vulnérable. Et quand il n'a pas son masque, moi, j'aurais trouvé génial si la seule fois où, qu'il enlève son masque au début, je suis d'accord, que ce soit un peu déçu, je sois un peu déçu de voir ce qu'il y a en dessous. Ok, mais ensuite, La seule fois où j'ai trouvé génial sans son masque, c'est lorsqu'il il tue son père. Et, oui, j'oublie qu'on peut spoiler. La seule fois où j'ai trouvé, parce que là vraiment c'est utile, parce qu'on peut voir l'émotion, on peut voir la peur de la lumière, et j'ai pas trouvé nécessaire d'avoir la scène finale, le combat final, qui se batte sans masque. Non, parce que, du coup, il dégage pas ce sentiment de puissance, et du coup tu n'as pas. Justement, c'est le but. Il est pas si puissant que ça. Il est complètement instable. Il a pas fini sa formation justement. Mais je trouve que ça me le rend moins épique. Avec le masque, il fait quand même figure de méchant. Et dans ce cas-là, ça fait juste deux ados qui se battent. Qui se battent, pas d'accord. Il n'y a pas cette figure du mal que représente Kylo et le côté obscur. Hein. Ou l'Empire, ou même la Rébellion, parce que c'est lui, le premier ordre. C'est lui le seul, en gros, il est censé représenter, même si on voit, toi tu te posais la question, Mathieu, pourquoi on avait besoin de voir le grand, grand Manitou là. C'était même peut-être par rapport à ça, du coup, peut-être c'est aussi bien pensé, c'est parce que. On est incapable de représenter la peur du premier ordre, de se le représenter, de se le figurer par ce Kylo Ren quand il enlève son masque. Il fait pas peur, il fait peur à personne, même pas à une fille qui a appris la force il y a deux heures. Et justement, enfin, Kylo Ren, de la même manière que Désiré, bah, Rey et Finn sont des adolescents qui prennent la relève d'un Han Solo, d'une Leia, d'un Luke qui sont vieillissants. Kylo Ren est aussi un espèce de successeur qui a eu pour maître Luke, c'est-à-dire l'un des vieillissants, qui essaye de se placer dans la continuité d'un Vador qu'il n'est pas encore d'ailleurs, et c'est tout ça. Il est non seulement il l'est pas, mais en plus il est même limite loin de l'être parce qu'il n'a pas achevé sa formation et qu'ensuite il est très instable. Concrètement, il aurait pu aussi ne pas tuer Han Solo et choisir de revenir avec lui et faire comme Vador. Là, l'avantage de voir, et non, ça se voit aussi dans les traits d'Adam Driver, qui est vachement juvénile dans ses traits, c'est que tu vois un peu concrètement l'instabilité qu'il y a dans la différence. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, enfin, la différence qu'il y a aussi avec Vador, c'est que Vador était ce que, comme le disait Obi-Wan Kenobi dans le 5, c'est que Vador n'était était surtout une machine et plus vraiment un homme, alors que Kylo Ren n'est juste que le maître d'une caste qui visiblement, alors c'est ma théorie, je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça, qui visiblement porte un masque parce que ça fait partie de leur caste, que c'est comme ça, mais que en dessous. Parce qu'il veut rappeler son père, grand-père. Ils sont son grand-père, mais aussi qu'en dessous, ça reste de surcroît un ado qui a fui l'enseignement de Luke, qui a fui son père, qui est Han Solo, et ça reste juste un gamin qui est dans ce genre entre vouloir devenir Dark Vador, c'est-à-dire l'ex Anakin et Anakin Skywalker, et son identité de Ben Solo, Ben qui doit être pris de Ben Kenobi. Enfin, je veux dire, il y a mais la différence avec ce que tu dis, c'est que Finn, c'est un sous-fifre, un banal Stormtrooper. Elle est une petite ado qui est sur la planète, qui essaie de se démerder pour vivre et qui attend le retour de ses parents, enfin je crois. Et Kylo, lui, il est le second du premier ordre, l'une des plus la plus puissante armée de la galaxie. Donc tu peux pas vraiment les mettre sur le même plan au final. Finn, Rey et Kylo. Non, mais juste au niveau de l'adolescence, tu vas passer. Oui, mais même s'il est adolescent, c'est un adolescent qui est très loin, pas très loin, mais par rapport aux deux autres qui sont vraiment dans une, on va dire, admettons, on parle d'adolescence, mais c'est pas de l'adolescence, mais qui sont ce que je veux dire, c'est juste dans la mesure où ils prennent une espèce de succession des personnages des vieux et de ceux qui ont été Vador, Luke, Leia, Solo, etc. Lui, il en fait partie, ou en tout cas, il essaye d'en faire partie, vu que son but, c'est de devenir Dark Vador. Et il est terrifié. C'est aussi un ado terrifié. Il le dit. Mais tu vois qu'il n'y a personne qui le chapeaute. Il n'y a personne. Au-dessus de lui, c'est directement le leader suprême. Donc, il n'est pas non plus en formation dans l'école encore, totalement. Mais je peux comprendre. Si, il est encore en formation. Il le dit, Snoke. Mais je peux comprendre qu'il soit torturé, que comme il dit de temps en temps, d'ailleurs, c'est marrant de voir comment lui, il essaie de fuir la lumière, alors que quand par exemple, on va dire, quand Anakin, Darth Vader était encore Anakin, lui, il essaie de fuir le côté obscur, ce genre de choses. Mais n'empêche que on ne peut pas non plus on ne peut pas non plus dire que oui, comment dire. Je veux dire, il a déjà des fortes responsabilités. Et quand tu les vois, quand tu le vois débarquer sur les champs, faire ce qu'il fait, il leur donne l'exécution du village de Jakku. Donc, même s'il a encore des tentations, c'est des tentations. Il en est pas au début à ses balbutiements. Il n'est pas au début quand tu te rends compte. Mais malgré tout, même malgré cette expérience et ses responsabilités qui ont dû lui être confiées du fait notamment de son énorme potentiel que Luke avait dû voir puisque c'est quand même il l'a quand même entraîné. Il y a deux personnages. Il y a le Kylo Ren qui est absolument terrifiant, qui peut avoir des sautes d'humeur de malade, sortir son sabre laser et tout péter autour de lui. Et tu peux avoir le Ben Solo qui est encore sous le joug de ses parents de manière indirecte. C'est aussi pour ça qu'il tue Han Solo, c'est parce qu'il veut un peu s'en libérer, qui a son adoration pour Vador et qui n'y arrive pas. Enfin, de manière constante et permanente, il reste extrêmement divisé. Mais un point en plus que j'ai trouvé vachement bien dans le film, c'est qu'on n'a pas voulu nous en faire un Vador avec une espèce d'identité secrète à la con qui resterait pendant trois films et qui serait une espèce de d'idée réchauffée de la trilogie originelle. Et direct, on apprend. C'est le fils d'Han Solo. Il rencontre Han Solo. Il bute Han Solo. Il n'y a pas de je suis ton père ni rien. C'est tout de suite. Enfin, on l'aura après ça. Tout de suite. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on l'aura avec Rey et Luke. Oui, il y aura certainement. Le spectateur l'a déjà compris, alors que le spectateur à l'époque de Star Wars 4, lui, il l'a pas compris et il le sait pas à Star Wars 5. Même les acteurs sur le plateau ne le savaient pas. Donc tout de suite, ils ont tué le suspense. Et c'est peut-être pas plus mal parce que sinon, il y aurait eu tout de suite des comparaisons avec ça et ça aurait fait une vraie pomme de discorde parmi les fans. Moi, je suis totalement d'accord avec Léo. C'est le personnage est intéressant dans sa dualité. Si on regarde la première trilogie, t'avais d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Même si à la fin Vador redevient plus ou moins, enfin qu'elle fait quelque chose de bien pour changer, mais pendant les trois films, c'est les gentils contre les méchants. Là, t'as un personnage qui est entre les deux, il vacille entre les deux, il a du mal à se placer, et même c'est juste le moment où il est face à son père et il lui dit, qu'il a besoin d'aide, il lui dit, je vais avoir besoin de ton aide, tu sais pas ce qu'il lui, enfin, tu te dis, il se sous-entend, j'essaie de me suicider, j'y arrive pas, je veux plus vivre comme ça, aide-moi papa à en finir. Et j'ai adoré cet aspect psychologique et cette dualité du personnage. Après, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Léo sur le personnage, à la fois Kylo d'un côté et de l'autre côté Ben Solo, mais moi je fais juste un pur délit de faciès avec Adam Driver, c'est que le moment où il enlève son masque avec sa touffe de cheveux, sa gueule d'ado insupportable, ça ne colle pas ça avec l'image de Kylo. Avec l'image de la dualité Kylo-Ben, pour moi c'est juste ça ne fonctionne pas. Après, quand il enlève son masque, t'as envie de te dire, mais remets ton putain de masque, ça fonctionne bien mieux. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit sur la dualité du personnage, etc. Mais moi, encore une fois, la scène finale, qu'il le fasse sans son masque, qu'on est il vient de tuer son père, donc il a totalement, pratiquement embrassé le côté obscur. D'ailleurs, aussi en passant, c'est génial parce que au moment où il s'apprête à tuer Han Solo, t'as le soleil qui disparaît totalement parce qu'il a remis. Non, mais je suis d'accord et je voudrais juste souligner un point, enfin que Léo et Arnaud, je suis totalement d'accord avec eux. Moi, Star Wars m'avait habitué à voir ce côté vraiment manichéen. D'un côté, il y a le bien, d'un côté, il y a le mal. Or là, vraiment, ce que j'ai aimé et je m'y attendais vraiment pas dans le traitement de Kylo Ren, c'est vraiment qu'on a cette espèce de dualité constante durant tout le film entre un Kylo Ren. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'en avais parlé avec des potes, ils ont eu la même analyse que moi. Par moment, le Kylo Ren se trouvait intimidant, pouvait entre guillemets faire peur, être menaçant, mais par moment, je trouvais que voilà, j'avais une certaine empathie pour lui parce que tu sentais qu'il pouvait, qu'il pouvait avoir du bon côté. Et il y a un écho, c'est moi. Non. D'accord. T'écoutes pas en fait. Non, mais il n'y a pas de problème. T'avais cette dualité et en fait c'est là où je trouve que c'est beaucoup mieux que par exemple dans Star Wars 3 où t'avais entre guillemets cette dualité parce que le jeune Hayden Christensen n'aidait pas. Le quoi? Le jeune Hayden Christensen. Non, le jeu? Quel jeu? Quel jeu? Non, il n'y en a pas. Ah oui. Non. C'est là où le 3 c'est mauvais. Non, non, mais c'est vrai, le 3 c'était super mal traité, il n'y avait pas. Enfin voilà. Oui, on est sur le 7 là. On est sur le 7. Alors que là, tu vois, le... vraiment, j'ai trouvé ça super bien, le traitement entre le passage, du... bah, finalement, un peu des brides du côté lumineux au côté obscur avec tous ces éléments, bah, vous faites des cartes, quoi. J'ai dit, putain, c'est vraiment super bien pensé. Là, on a vraiment l'aspect, bah, la colère, et là, c'est encore plus intéressant, parce que finalement, il a toute cette colère, et avec son face-à-face à Han Solo, la colère mène à la souffrance. Et on a vraiment ça qui est vraiment bien monté dans le titre, et ça, j'ai vraiment adoré. On a tout le passage au côté obscur qui est vraiment excellent. Mais par contre, excuse-moi, je vais juste revenir sur. Vas-y, après, je donnerai mon avis sur le personnage, parce que j'attends toujours. Excuse-moi. Non, mais quand vous parlez, quand tu parles, par exemple, de dualité, ok, mais sauf qu'ici, on a un personnage qui fuit la lumière. Dark Vador, lui, il avait embrasser le côté obscur pour une raison. Il voulait sauver, il voulait plus jamais voir quelqu'un qui l'aimait mourir, sa mère qui l'avait perdu, et il voulait pas, il voulait absolument pas perdre sa femme. Donc ses motivations pour qu'il embrasse le côté obscur sont connues. Là, lui, le problème, c'est que c'est au contraire, lui, il fuit la lumière. Donc quand il tue son père, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fuis et qu'est-ce que tu fuis en fait? Il fuit le bon, donc il n'y a pas vraiment de dualité. Je veux dire, on comprend pas pourquoi il peut pas. C'est en fait lui, c'est le contraire de nous. Nous, on est obligé, nous, on fait des mauvaises actions parce qu'on y est poussé. Lui, il veut pas faire de bonnes actions. Il fait tout pour les fuir. Donc là, je suis pas trop au niveau de la dualité. Je suis pas sûr et c'est je vais m'appuyer sur ce que tu viens de dire du coup pour parler de moi, comment je l'ai perçu. Kylo Ren, pour on a parlé de film miroir depuis tout à l'heure et pour moi par rapport à Dark Vador, c'est le miroir mais complètement inversant. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que Dark Vador, c'est celui qui avait engendré la trilogie qu'on connaît. Il avait même engendré des personnages carrément. Là, on est complètement à l'inverse. C'est lui qui est engendré par des personnages qu'on connaissait et qui de ce fait va subir plein de choses. La façon dont il a rejoint le côté obscur, et là on est dans quelque chose que Abrams n'avait encore pas fait jusque-là, c'est la politique. La façon dont il embrasse le côté obscur, on n'est pas loin de la radicalisation de certaines personnes. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est complètement ça. C'est une prise politique de DJ Abrams et de Disney. Du fanatisme, en fait. Voilà. Là, on n'est pas loin des questions de radicalisation et de ce qu'on a vécu récemment, qui est très bien fait là pour le coup. Et Kylo Ren, quand tu dis il a embrassé le côté obscur en tuant son père, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit encore complètement passé du mauvais côté. Ça a été une étape, mais c'est pas une étape. Il y a encore des choses. Kenobi, il n'était pas complètement du côté obscur, quoi. C'est un point de non-retour. Oui, c'est un point de non-retour, mais c'est pas un accomplissement de ce qu'il veut. Je suis d'accord. Je suis d'accord, tout à fait. Il veut encore tuer sa mère, je pense. Non, mais clairement, il veut coucher avec sa mère. Non, c'est un autre point, c'est se débarrasser du passé. Il a tellement peur de la lumière et il a peur parce qu'on lui a dit que c'était mauvais et parce qu'il a été embrigadé là-dedans, etc. Mais est-ce que le jour où il va s'apercevoir que quand il fait quelque chose de lumineux, finalement, c'est pas mal aussi. Est-ce que ce jour-là, il va pas revenir? On sait pas, hein, vis-à-vis de lui, on sait pas trop. C'est un grand mystère pour l'avenir. On a l'impression comme ça, et c'est pour ça aussi qu'il est, à mon avis, démasqué dans le combat final. C'est parce que il est effectivement, il y a cette dualité, il y a ce côté complètement paumé. Enfin, voilà, on a l'humain sous la machine, enfin sous le masque, contrairement à Vador qui était complètement déshumanisé jusqu'à très très très tard. Mais vous n'aurez pas aimé voir sa puissance là en action sur la fin. On l'a vu au début. Mais contre quoi? Contre qui? Contre personne finalement. Non, mais le mec est capable d'arrêter un faisceau. Bah oui, justement. Ça rajoute la déception au combat final. Ah non. La prise de la force qui est exceptionnelle. Il fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais justement, donc au final, vous dites un peu le contraire parce que tout à l'heure, on me disait qu'il était pas. Il vient de tuer son père, il est forcément pas en maîtrise de lui-même à ce moment-là. Il est complètement taré quoi. Enfin, il est. En plus de ça, on parle du combat final, mais ce que quasiment tout le monde a complètement éludé, c'est que, et c'est d'ailleurs assez intelligent parce qu'il a mis l'accent, dans le combat final, il n'est pas au meilleur de ses moyens dans la mesure où il est blessé et on le voit. Donc déjà, il n'est pas, et non, je ne suis pas d'accord, tu sens la puissance du mec, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir que dans les Star Wars, le mec, il prend, Vador, il te utilisait la force pour étrangler, mais le mec, non seulement il te soulève, mais il te ramène dans sa main, quoi. Ouais, et puis, quand tu dis, on sent la puissance du mec, mais moi, dès le moment où il enlève son casque, moi, je le vois plutôt, que je vois sa puissance plutôt décliner. Hein. Mais la première chose qu'il fait quand il enlève son casque, c'est aller pleurnicher comme si on lui avait piqué sa bénédiction. Non, non, non, non, non, non. Non, mais c'est vraiment. Bah, moi, je trouve que sans son masque, il devient mais totalement, mais, ah non, mais inoffensif, limite. Après, ah bah, il devient humain. Il devient humain, c'est justement ouais, l'intérêt. C'est pas forcément humain. Ray, elle est humaine. Finn, elle est humaine. Elle est humaine. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même dualité. C'est pas la même dualité. Je suis complètement d'accord avec Mathieu. C'est clairement l'opposé de Vador, parce que enfin, je le redis. Tu prends Vador, t'enlèves son masque, t'as à moitié, bah, quasiment un robot. Là, t'enlèves le masque, t'as un humain. C'est déjà un traitement totalement différent. C'est pas le même contexte qu'avec Rey qui, ou même Finn qui, eux, sont. Après, je serais pas totalement d'accord parce que moi, je pense dans la trilogie, quand Vador enlève son masque, c'est là aussi que quand il enlève son masque, il meurt. Et mourir, c'est l'un des trucs les plus humains qui puisse ah être. Ah bah non, les animaux meurent. Non, les animaux meurent. Oui, les plantes meurent. Hein. C'est con ce que je viens de dire. Tu couperas ça au montage, s'il te plaît. Bon, non, il y a plein de choses que je pourrais couper, mais je laisserai. allez, on va en profiter justement de ce petit repos dans la tension pour passer. Hein, Kylo Ren, voilà. Kylo Ren, excusez-moi. Je l'ai vu une fois en VF et ça m'a détruit. Donc Kylo Ren, en VF, il est vraiment Kylo Ren. Je crois. Je suis pas sûr. Du coup, Adam Driver, quand même, faut en parler. Il est très bon. Parce qu'il y a quand même un acteur derrière tout ça. Il y a un petit cœur qui bat. Adam Driver, moi, la première fois, je suis complètement passé à côté. La deuxième fois, j'ai été plutôt bluffé par son jeu. Ouais, il est vraiment excellent. Il est très très bon. Et je trouve que vraiment, on parlait de la dualité, mais il incarne vraiment cette dualité. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et je m'attendais pas à ça. J'avais peur justement d'Adam Driver dans ce rôle-là parce que je le voyais pas dans un rôle Star Wars. De Star Wars du moins, et en fait non, j'ai trouvé vraiment qu'il remplissait son taf, enfin, franchement, et moi il m'a bluffé. Alors dans ce cas on passe au Supreme Leader Snoke, un empereur king size, en fait pas tant que ça, hein, parce que... pas tant que ça, ouais. Non, on va découvrir qu'en réalité il fait pas cette taille. Non, il fait 2 mètres. En réalité, il fait pas cette taille, hein. C'est un hologramme qui l'a grandi, etc. Enfin voilà, oui. Oui, non, mais enfin, on peut très bien supposer que c'est un hologramme à taille réelle, mais c'est sûr que non. A priori, non. On nous le dit pas le contraire, mais je pense que non. Et tant mieux. Parce que... Oui, tant mieux, ça serait ridicule. Voilà. on fera un petit speculation corner tout à l'heure, hein, pour voir un petit peu. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de spéculations qui peuvent être sur le film. Pour moi, c'est la déception du film. Oui, moi aussi. Okay. Pareil. Dune, il sert pas à grand, enfin même il sert à rien. Visuellement, voilà. Il est pas terrible. Très franchement, c'est pas. Bah, en même temps, c'est un peu lourd. Oui, certes, mais je n'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Non. Ce que je pense que j'ai adoré dans ce film, contrairement à l'autre reprise d'une grande franchise qui est Jurassic World, j'ai adoré, c'est véritablement un retour aux sources. Enfin, c'est vraiment mon mot ce soir, le retour à l'ancien, avec des vrais décors, de vrais décors en dur et pas du numérique dégueulasse à la Jurassic World. C'est ça. Oui, et puis même et dans là, Snoke est en numérique. Même dans l'esthétique, on peut en parler maintenant. Du coup, l'esthétique, voilà, quand Han Solo dit Chewie, we're home, c'est exactement aussi ce que nous on ressent quand on voit visuellement ce film. On est à la maison. On retrouve l'ambiance visuelle. Et c'est aussi nous en retour à la maison, un retour à la trilogie qui adorait des fans et qui laisse de côté la trilogie qui est détestée des fans. Oui, c'est aussi ça l'idée de Disney. Du coup, je vais terminer quand même. Ouais. Et du coup, oui, bien sûr, par rapport à la première trilogie, parce que même dans l'esthétique des bases du premier ordre, etc., on retrouve vraiment ces côtés gris, ces longs couloirs, ouais. Avec même les boutons carrés quoi sur les panneaux de commande, les petits boutons carrés rouge, blanc et bleu comme on avait. Enfin voilà, on est vraiment dans une continuité visuelle et évidemment que c'est un bras d'honneur à la prélogie, mais ça ne pouvait être que ça puisque de toute façon on se situe après cette trilogie. Ouais. Et ouais. Enfin, j'aurais pu modifier ce qu'il voulait. Il y a eu 30 ans de passé, on le sent sur certaines choses, notamment certaines technologies, BB-8, etc. On ne l'imaginait pas comme ça à l'époque. Dans l'atmosphère visuelle de la trilogie d'origine, BB-8 ne passe pas du tout. Alors que là, on voit des choses qui ont évolué en 30 ans dans l'univers, pas dans la réalité. Il fait partie aussi de cette évolution. Mais voilà, visuellement. On est à la maison, enfin la scène, espèce de cantina, tout ça, enfin voilà, on y est quoi. Oui, et puis tu parlais visuellement, mais moi j'ai rien de plus lent. Moi c'est la réflexion que j'ai eue. Bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Han Solo et Chewbacca. Ah ouais, c'est franchement, clair. ça fait un lien fou, quoi. Je me dis, putain, mais enfin, c'est là qu'Harrison Ford est fort, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est que j'ai eu l'impression de revoir le Harrison Ford de la première trilogie. C'est le Han Solo, quoi. C'est ça que je me suis dit, mais il a joué des centaines de rôles entre-temps. C'est un personnage il y a 30 ans. Mais tu vois, le petit rictus qu'il avait sur un côté du visage, il rigole d'un côté du visage, mais tu retrouvais ça. Son côté misogyne un peu au début avec Rey. Qui tu sens que ça s'atténue un peu parce que je pense que derrière il y a eu 30 ans de fémen, donc c'est un peu modéré, mais c'est tu retrouves, mais c'est moi j'ai trouvé sa performance d'acteur hallucinante parce que j'ai encore une fois, c'était la 10e fois que je le vois, je le dis, j'avais revu la trilogie juste une semaine avant, donc du coup j'avais l'impression toujours de voir la même personne. Et vous parliez de, parce que j'ai été déconnecté. Je parlais de Han Solo et la performance d'acteur de. D'accord. De Harrison Ford. Ah, il est balèze là. Enfin, il est vraiment bon là comme ça hein, dans ce retour à ses premiers. Ouais. Bah, en même temps, c'est son film. C'est ça. Oui. Clairement, ouais. C'est lui le patron là-dedans. Enfin, c'est il est à Star Wars 7, ce qui était Obi-Wan à Star Wars 4. Mais vous doutiez aussi, bon, moi je l'ai vu venir mais des kilomètres, mais j'étais sûr qu'il allait mourir. Bah, grâce au petit journal, je le savais. Merci. Ah, sérieux ? Spoiler ? Oui, la veille de la sortie, ils ont spoilé ça. Oh, les abrutis ? Putain, ils ont fait leur Léo là. Donc, du coup, ils ont fait une. Surtout, ils vont être attaqués en justice par Disney, c'est possible. Oui, bah, ils avaient interdiction d'en parler. Bah, évidemment. Mais après, voilà, comment ils ont spoilé ? Ils ont dit Han Solo meurt ? Voilà, ils l'ont clairement, oui. Ouais. On va pas revenir là-dessus, ça m'a assez agacé. du coup... Bah oui, même si tu le sens venir dans la mise en scène, parce que tous les deux touchent le sabre laser, il y a une insistance sur le sabre laser. Même avant le film. Oui, il y a plein de moments, mais vraiment à ce moment-là, il y a vraiment une insistance. Oui, c'est quand même un moment surprenant. Tu le sens, enfin, 3 secondes avant que ça arrive, tu le sens venir, et pourtant, dès qu'il. T'as pas envie d'y croire. Tu vois voilà, tu t'es là, mais non, ils vont pas oser, il va se passer quelque chose. Et le moment où le sabre s'allume, et là, t'es non. Tu sais pourquoi je disais ça? Je disais ça possible par rapport au fait que Han Solo, c'est un personnage qui est très dynamique dans la trilogie. Et oui. L'acteur Harrison Ford, il peut pas continuer. Il a prouvé quand même qu'il peut faire pas mal de choses quand même. Je suis d'accord qu'il a prouvé qu'il peut faire pas mal, mais ils peuvent pas se lancer dans une trilogie avec lui comme étant un personnage qui va être super important. C'est sûr. De toute façon, il aurait jamais été important par la suite. Voilà, c'est pour ça. Donc, du coup, moi, j'étais persuadé, surtout dès le moment où on m'a dit que c'est, dès le moment où j'ai su que c'était son fils, je me suis dit, bah là tu vas avoir. C'est dans la thématique de Star Wars de chercher son père pour évoluer. Voilà, exactement. Donc, mais après, il y a plusieurs moments où ça devient. Enfin, voilà, il y a pas. Où c'est évident et où on nous fait clairement comprendre. Enfin, ces adieux à Leia. Évidemment, voilà, tu sens que c'est des adieux à ce moment-là. Et puis que même lui, il a décidé qu'il allait pas revenir, quoi. Il voulait que son personnage meure et que ça lui donne plus de profondeur, et quelque part il a eu raison. Et puis Harrison Ford qui a demandé. Il a vraiment eu raison. Non, il disait que il avait dit dans une pardon Clément, juste je précise. Il disait dans une interview que enfin il y a des années avant que le projet Star Wars 7 soit mis en branle, il disait que il aurait préféré que Han Solo meure parce que ça aurait donné plus de profondeur à son personnage, et surtout d'accord. Il aurait jamais voulu enfin il voulait pas du tout faire une suite. Mmh. Et là quelques années plus tard, quelques circonstances. Un bon gros chèque. Il est devenu le voilà notamment. Bah, on lui a offert la possibilité de mourir, ce qu'il souhaite. Mourir, ouais, ce qu'il souhaite. Il y a cette phrase. Han Solo, j'ai attendu ce moment depuis très longtemps. Cette phrase qui nous rappelle celle de Darth Vader à Obi-Wan Kenobi juste avant de le tuer. Ouais. Voilà, c'est quand même le moment où il y a cette phrase qui est prononcée. Là, tu sais que même on te l'a spoilé, donc tu sais que ça va arriver. Tu l'as compris par plein de choses, mais là avec cette phrase, ça peut plus passer autrement. Ça devient réel. C'est ça. Tu vois sur le pont. Mais n'empêche, ça fait quand même mal. Hein. Ça fait des oui. J'ai un gros pincement, quoi. J'ai un gros pincement. Bien sûr, bien sûr. Surtout que tu n'as même pas le truc de il retourne avec son corps ou un truc comme ça. Tu étais dans le vide comme un Stormtrooper, je sais pas. Bah, et comme d'autres personnages avant. Voilà. Oui. Comme Palpatine. allez, on enchaîne la Starkiller Base, la Death Star. Voilà, ça. Qui est pour moi le faux pas du. Oui, c'est un peu pété. On n'avait pas besoin d'une nouvelle étoile de la mort. C'est surtout qu'elle est complètement cheatée, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que, enfin, si on n'avait pas... Sans ça, le film fonctionne bien. Mais oui. On est, enfin, là, c'est vraiment le miroir qui est poussé trop loin. Oui, c'est l'un des gros loupés du film. C'est... Puis je trouve, voilà, c'est quand même... Ouais, non. Mais il leur fallait une raison de lancer les rebelles contre ouais. Le premier ordre. Oui. Et puis, c'est dans leur idée de reprise des 4-5-6. Oui, mais je suis d'accord que c'était pas nécessaire. Est-ce qu'ils étaient obligés de passer par là? Je sais pas. C'est le moment où il aurait peut-être fallu s'abstenir de faire le miroir. C'est le moment où... voilà. Bah, c'est surtout quand tu vois à quel point c'est cheaté, quoi. Enfin, Puis qu'au finalement, ils la détruisent presque aussi facilement que les anciens. Enfin, c'est ça. C'est la troisième qu'ils font, et à chaque fois, il y a un point faible. Ouais, non, mais tu retrouves, c'est pratiquement le même truc comme dans le 4, là, où t'as Luke Skywalker qui essaie de viser un point précis, là. Cette fois-ci, c'est déjà la deuxième, ça apparaissait dans l'épisode 6, déjà la deuxième, ça, on se dit, bon, c'est bon, ouais. Encore une. Là, tu la vois sur, là, quand je l'ai vu sur l'affiche, je me suis dit, mais non. Non, c'est pas possible. Et si, en fait. Bon, dommage. Mais je pense qu'il n'y en aura plus. Non, j'espère. Attendons de voir. Allez, on va revenir un peu sur quelques petits détails maintenant, et après on va conclure, ça fera bientôt 2 heures hein, quand même. Donc on va être aussi long que le film. Oui. Pour parler quand même du sabre, le sabre cette espèce de relique. Je vous ai marqué relique sacrée dans le conducteur, mais pour moi, elle est pas traitée comme telle. Elle aurait dû être... À la fin, si. Oui, à la fin, oui, mais elle aurait dû être plus respectée que ça. Ouais, mais d'un côté... Elle refuse de le prendre. Ça reste... Si, c'est quand même une relique sacrée. Elle est... Mais oui. Elle est dans un coffre caché. Ouais, le petit passage, mais... Quand elle a ouvert le coffre, elle refuse de le prendre aussi. Et c'est quand, aussi, quand elle a ouvert le coffre, j'ai la musique de Zelda dans la tête. Puis même ce magnifique plan à la fin où elle tend le sabre à Luke. Et la caméra qui fait le tour. C'est le résumé. Non, le plan final aérien, il est dégueulasse. Mais... Oui, c'est dégueulasse, mais. Il m'a pas gêné. Ça finit sur un plan Koh-Lanta, quoi. Bah pour ouais. Le nom pour reprendre l'idée d'un de mes profs, ça finit sur un plan Koh-Lanta. C'est dégueulasse. Moi j'aime bien. Ça a dû se finir sur elle tend le sabre et limite on voit pas Luke. Non. C'était pas forcément moi ça m'aurait mais frustré à mort. Ça. Ah non mais j'étais en train de me dire j'espère que je vais le voir. Hein. Ouais non moi ça me va ça. Mais donc du coup voilà ce sabre. Mais après. Au début effectivement traité comme quelque chose d'assez même mystique qui déclenche. C'est une relique ancestrale. Qui déclenche quelque chose chez Rey machin et tout ça. Ouais, justement là j'ai un pote qui a dit oui mais c'est n'importe quoi le sabre laser ce n'est pas genre il faut être digne ou ce genre de choses parce que non. C'est au moment où ils appellent tous les ils c'est appellent pas tort, le sabre. Hein. Oui voilà c'est pas tort. Bah, il y a un côté dans la découverte et dans la façon dont il est présent. Au début, il y a un côté Excalibur que moi j'ai apprécié et qui du coup après a été complètement démonté par le fait qu'il passe dans les mains de Finn et puis qu'après un Stormtrooper le prend dans la main. Enfin voilà, il passe dans toutes les mains, il est balancé machin, tout ça. C'est un objet. Mais après, il revient dans les mains de Skywalker. Enfin, Skywalker, non, parce que. Bah si. Il revient dans les mains d'une Jedi. Hein. Ouais. Oui. Mais tu sais, à un moment, ils appellent tous les deux le Elle n'est pas Jedi. Hein. Elle sera Jedi. Pas encore. Mais à un moment, ils appellent tous les deux le sabre. Et au moment où ça arrive dans la main, ça fait un tour et ça va dans la main de Rey. Ça évite. Parce qu'elle est plus puissante que lui. Voilà, elle est plus puissante que Kylo. C'est que. Non, c'est pas puissante, mais peut-être. Moi, j'ai vu ça comme étant. Elle est plus puissante, elle contrôle mieux la force. Moi j'ai vu ça dans le sens de la lumière est plus puissante que le côté obscur dans ce cas-là. Oui, donc elle est plus puissante. C'est qu'elle fait appel à une autre entité qui est la lumière et lui il fait appel à une autre entité qui est le côté obscur. Oui, tu veux dire par là que le sabre de Luke qui appartenu à quelqu'un de lumineux aurait choisi, entre guillemets. Non, elle est oui, c'est vrai qu'il dit oui, elle est plus puissante parce que oui. Parce que c'est comme le sabre d'Anakin à la base. Ouais, quand même. Non, elle est plus puissante que parce qu'elle fait appel à la force. La force est puissante en elle, on peut dire ça. Je voulais juste revenir sur un point parce qu'on avait parlé de mysticisme, enfin de mysticisme côté spirituel, et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on est revenu tout ce qui est en lien avec la force, on est vraiment revenu sur le côté spirituel, sur le côté mystique. Ah bah ils ont viré les midi-chloriens. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça c'est bien. Putain, c'est un fuck à la prélogie. De toute façon, tout ce film est un fuck à la prélogie. Mais c'est ça quoi, le côté, c'est la force, c'est quand même. c'est une religion, quoi. On avait complètement oublié ça. Bah oui, elle le dit, tu la ressens autour de toi. Mais oui, et c'est ça, je dis, putain, on retrouve vraiment ce que c'est la force, quoi. Et ça, franchement, c'est kiffant, quoi. Ouais, mais après, j'ai regardé une vidéo, bon, je pense à un mec, je pense qu'il est, il est soit conspué, soit aimé. Durendal, je pense que vous devez le connaître. Non, mais il a dit quelque chose dont je n'étais pas totalement contre, dans le sens où le fait qu'il y ait quelque chose qui permette de mesurer, ça n'enlève pas non plus le côté, le mysticisme. Ça n'en fait pas non plus. Ah bah, si, complètement. C'est soit l'aspect scientifique ou l'aspect mysticisme. Ça, non, mais. Peux pas avoir la religion et l'aspect cartésien. C'est pas possible. Tout mysticisme, la science arrive aussi à expliquer tout mysticisme. Non, au contraire. Non, la science explique. Non, le mysticisme explique ce que la science ne peut pas. Ah, pas forcément. Tu prends par exemple le cas de l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Scientifiquement, ça s'explique. Après, tu peux voir, tu peux dire que oui, non, mais c'est religieux et tout machin. Dans plusieurs cas, t'arrives à expliquer. Bon, après, je suis d'accord qu'il y a certains. Non, je propose de débattre de ça un autre jour dans un collectif de philosophie, peut-être. Mais c'est hyper intéressant de toute façon et ça touche vraiment à des choses liées profondément à Star Wars et notamment je sais plus comment elle s'appelle Tanaka non Masrana Tanaka. Ouais. Lupita, quoi. On va l'appeler Lupita. Le nom de l'actrice Lupita. On va pas se manquer. Ah, c'était Lupita Nyong'o ? Oui, c'est Lupita Nyong'o. On va pas se. C'est Yoda dans la nouvelle version. Enfin, c'est celle qui succède à Yoda. Enfin, dans son côté complètement folle et très sage en même temps. Et petite. Mais j'ai bien aimé le personnage. Moi, il m'a plu. Non, mais clairement. Non, mais c'est clair. Ah, bah, c'est flippé. Mais du coup, je sais plus pourquoi je parle d'elle. Yoda 2.0. Ouais, bah je sais plus. Bah tant pis, du coup, on va passer à la suite. C'est pas grave. La suite, c'est quoi ? C'est la question, et pour une fois, je vais y répondre en premier. Hommage à la trilogie d'origine, donc dans le sens où on a vraiment voilà, ce fameux côté miroir. Est-ce que c'est un hommage à la trilogie d'origine ou est-ce que ça cache un petit manque d'inspiration miroir complet. Ou du côté, j'ai dit que j'apprends en premier. Ou du côté, d'abord je finis de poser la question. Ou du côté de J.J. Abrams, on est un peu prisonnier de la volonté de rendre hommage et où du coup on. Voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu coincé à un moment ? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller plus loin dans certaines choses et montrer plus d'idées nouvelles ? Parce qu'au final, voilà, le fait que je vous pose la question, c'est que dans ce film-là, je n'ai été surpris par rien. Tout se voit venir à l'avance. Mais ça fonctionne quand même. J'étais quand même hyper mitigé après avoir vu le film pour la première fois parce que je n'ai pas été surpris. Il y a rien qui allait à l'encontre de ce que toi tu peux construire comme raisonnement et machin au fur et à mesure que tu vois les scènes. Tu dis ah bah ok ça va se passer comme ça. Il va tuer son père machin. Tu comprends très vite que son père c'est Yann et c'est pas Luke. Yann. Yann c'est la version bretonne de Star Wars. Désolé. Mais il a été appelé Yann. À un moment. Ah bon ? Ah, pas en VF. Hein. En VF peut-être, mais pas en VO. Dans les vieilles versions françaises. Si. Voilà, dans mon enfance, on le traduisait par Yann. Donc Anne, on comprend très très vite que son père c'est Han Solo et non pas Luke Skywalker, et que forcément, du coup, bah, la mort de Han Solo va venir de lui. Tout s'anticipe vachement à l'avance et du coup t'as pas de surprise et du coup à partir du moment où t'arrives pas à être surpris et où tu vois le miroir dans tout jusque dans la nouvelle étoile noire et enfin voilà du coup tu te dis mais bordel il avait pas vraiment d'inspiration en fait. C'est une question que tu te poses, c'est pas forcément le cas mais c'est une question que tu peux légitimement te poser. Moi je vais pas me répéter, j'ai tout dit dans l'introduction, reprise de l'ancien. Alors si tu me permets Arnaud, j'ai une théorie là-dessus. Je trouve qu'en effet, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont reprises, mais ça saute aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que je pense que c'est pas non plus. Ah, c'est aussi un hommage de J.J. Abrams à la saga. Je pense qu'il y a été très attaché. Il l'a fait, bon, clairement, d'accord. Mais s'il avait fait vraiment que ça, enfin, ça se serait vu. Il y aurait un truc manqué. Alors que malgré tout, c'est pas non plus juste un simple remake à la con où tu verrais carrément toutes les coutures. Là, il y a quand même plusieurs choses qui changent. Et je trouve en fait la ressemblance, elle finit au moment où comment il s'appelle, où Kylo Ren tue Han Solo parce que de ce point de vue-là, Kylo Ren tue son père, il écarte ça, il écarte la figure du père. En plus qu'on écarte la question de « Je suis ton père » qui a tourmenté des fans de Star Wars. On l'aura après, années, ça. Voilà. Mais alors, en plus, quand tu vois, et ça rejoint les trucs sur l'adolescence qu'on a dit tout à l'heure, quand tu vois ces gamins, parce que franchement, ils ont des phases juvéniles, hein, ces gamins que sont Rey et Kylo Ren se mettent sur la gueule dans la forêt, tu vois que ce sont des gamins qui se battent pour un héritage et qui se battent pour ça. Donc, à partir du moment où ils ont déjà viré George Lucas de base, ensuite, ils virent Han Solo, qui est quand même une figure de l'ancienne trilogie. Et là, tu vois les gamins qui se battent pour récupérer l'héritage, pour voilà. Et d'ailleurs, la nostalgie est même mise en abîme dans le film avec la mythification qu'il y a un peu, puisque d'ailleurs Rey dit Luke Skywalker, je croyais que c'était un mythe, ou Han Solo, vous êtes le mec qui a fait cette course. Donc voilà. Donc non, je pense pas que ce soit un moment d'inspiration. Il y a une volonté d'appui sur la trilogie originale. Attends, j'ai presque fini. Il y a une volonté d'appui sur la trilogie originale, mais c'est aussi pour faire un peu rampe de lancement. Je pense que le film de Rian Johnson, le 8 là en 2017, sera presque que indépendant également, enfin, ou en tout cas indépendant de ce qu'a fait George Lucas et Colin Trevorrow, encore pire en 2019. On attend 2019 pour ça. Un autre élément aussi, c'est qu'on parle aussi d'un film qui a révolutionné le cinéma en quelque sorte. Et l'un des gros problèmes qu'il a cet épisode-là, c'est qu'on s'attendait aussi un peu à ce qu'il ait quelque chose de... j'attendais exactement ça. T'as entendu ce que j'attendais. Moi aussi. Moi, j'ai eu un bon divertissement, donc je n'attendais pas. Je suis pas déçu. C'est plus qu'un bon divertissement. On en parle depuis 2 heures, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Mais bien sûr qu'il y a énormément de choses à dire. Un bon divertissement, c'est t'en sors, c'était sympa, il y a de bonnes scènes d'action, puis au revoir. Alors que là, il y a quand même. C'est pas pour rien si on passe quand même 2 heures. On passe 2 heures parce qu'il y a 6 films avant auxquels on compare celui-là. Oui. Faut pas l'oublier non plus. Ce film-là aurait été le premier d'une saga, on n'aurait pas passé 2 heures. Mais il aurait été totalement différent. Il faut pas non plus dire qu'on passe 2 heures parce que justement, t'as très bien résumé, Mathieu. Au final, ouais, ça c'est totalement vrai. Si ce film là on le sort, on le prend juste à part, oui, on ne fera pas, on n'en dira pas autant de bien au final. Mais à la rigueur, c'est pas sa fonction hein, d'être. Non, c'est pas ça. Bah non, il aurait été différent. Mais voilà. Mais ce qui serait bien aussi, que ça puisse. C'est pour ça qu'on demandait est-ce que c'est un bon film. Ce serait bien aussi que ça puisse être pris comme étant une entité seule. Parce que n'oublions pas, c'est pas une série, c'est pas un épisode d'une série TV. Star Wars, mais non, il y a l'épisode d'une franchise. D'une franchise, mais c'est un film aussi. Et un film aussi est quand même aussi à vocation. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Aujourd'hui, les films ne sont plus à vocation à être pris uniquement seuls. Tu regardes les Marvel, tu dois tous les voir pour comprendre. Et là, une trilogie, c'est exactement la même chose. Un film, tu dois attendre 2 ans. Minimum un an et demi dans le meilleur des cas pour voir la suite. C'est pas non plus, on applaudit ça, c'est pas non plus génial. Il faut qu'on puisse voir, ce serait bien de pouvoir voir un film qui puisse être pris dans un ensemble qui soit cohérent, mais qui puisse aussi être pris comme une entité toute seule, qui puisse être vu. Je pense que celui-là, pour des jeunes qui découvriraient Star Wars avec cet épisode 7-là, effectivement, il y a plein de choses qu'ils ne comprendraient pas, plein de blagues méta, de références, etc., qui ne saisiraient pas, que nous seuls pouvons saisir parce qu'on a vu cette saga, etc. Mais je pense qu'on peut démarrer à cet épisode 7. Oui, complètement. Alors oui, on est un peu paumé, comme on était paumé au début quand on a commencé. Quand on a commencé par l'épisode 4, où il y a plein de choses qu'on maîtrisait pas, et c'est pas grave. Un exemple, Star Trek, j'ai vu le premier Star Trek, c'est le premier que j'avais vu de J.J. Abrams, mais c'est un reboot aussi. C'est un reboot, c'est pas le même contexte. Mais là, c'est différent. Et là, il y a une telle manière de faire qui tranche avec ce qu'a fait George Lucas. Ouais. Il y a une espèce de tel attachement à la trilogie originale, mais qui en même temps n'empêche pas justement quelqu'un qui n'a rien vu ou très peu vu de profiter des films. Et en même temps, il y a cette espèce de nouvelle histoire qui va commencer avec la mort d'Han Solo, la redécouverte de Luke, etc. Que finalement, il est pour tous les publics aussi, ce film. Autant pour le fan de la première heure, le fan de la moitié d'heure, c'est-à-dire prélogie, quoi, et celui qui n'a rien vu. Oui. Celui qui n'a rien vu. Moi, je pense que celui qui n'a rien vu peut démarrer ici. Et après, vouloir savoir d'où ça vient et du coup être un gros chanceux parce qu'il est parti pour un voyage assez incroyable. Donc. Donc voilà, non, on peut commencer ici, comme nous, on a commencé à l'épisode 4. Comme certains ont commencé à l'épisode 1, mais là du coup, commençons. Mais même, hein, il s'est passé plein de choses avant l'épisode 1 qu'on ne connaît pas. Et... Ouais. Ouais. On démarre directement dans l'histoire, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Après, oui, c'est sûr, le fameux bandeau là au début qui commence par Luke Skywalker a disparu. Bon, bah, Luke Skywalker, c'est qui déjà Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais, mais lui. Oui, c'est vrai qu'il sera. Au final, dans le premier Star Wars, on est lâché dans un conflit entre la République et l'Empire et on n'en sait pas plus. Hein, oui, non, mais c'est ça. Allez, on va terminer par trois choses encore. Qui est le héros de cet épisode 7 pour vous? On va essayer de ne pas faire 3 heures là-dessus. Hein. Ray pour Arnaud. Ray aussi. Ray. D'accord. J'ai envie de dire Han Solo aussi quand même. Ah, parce que ouais. C'est quand même son film. Oui, lui, c'est une figure d'anti-héros. Han pour la vieille génération et Ray pour la nouvelle. Ouais, voilà. Tu veux dire je suis de la vieille génération? Non, mais par vieille génération, il veut dire ceux qui connaissent. Les anciens acteurs, je veux dire, les anciens personnages. Pourquoi je dirais plus Han Solo que Ray dans ce film? Parce que j'ai mon profil. Non, mais tu es parce que aussi... Effectivement, Rey va être l'héroïne plutôt de la trilogie, à mon avis, que de ce film-là. Et parce que c'est elle qui s'assoit dans le siège de Han Solo, voilà. Et du coup, là, on a encore une fois cet héritage, on est encore dans la transmission, etc. Elle prend le siège de Han Solo, qui a été mis en avant pendant tout le film, qui a été mis en lumière, qui a une mort, voilà, presque digne du personnage. Presque. Oui, presque, parce que... Encore une fois, on aurait aimé avoir une scène d'obsèques, enfin, on aurait aimé avoir un moment de recueillement dans une scène un peu... Ouais. Il nous manque ça pour vraiment... Peut-être qu'on l'aura au début du prochain, je ne sais pas. Mais voilà, il est mort, il finit dans un trou, etc. Il est tué par son fils dans un beau moment, mais voilà, il tombe au fond d'un trou. Et on est privé du deuil, voilà, et ça m'embête un peu, mais bon, voilà. Mais pour moi, c'est Han Solo, le héros du film. Non. D'ailleurs, ça vous non, a mais t'as pas tort. Ça vous a pas un peu, vous avez pas un peu tilté que Rey, on a l'impression qu'il prend plus, comme tu dis, la place de Han Solo que la place de la nouvelle Jedi, en quelque sorte. On en parlera après. On termine par l'exception à cette transmission, le seul qui n'a rien transmis dans ce film, qui a gardé sa place et qui a continué, hein, c'est John Williams. Oui, mais ouais. Qu'est-ce que c'est cool, mais moi, je te jure, il n'y a aucun nouveau thème que de la musique, mais j'ai rien. Il n'y a aucune pas. Qui ressort. Hein. Ah, clairement, rien. Je me rappelle, à part le thème du Jedi quand il arrive, on a le petit frisson. Le thème de Star Wars quand il arrive au début, ouais. On a le petit frisson. On a trois, le thème de la Force aussi. Enfin voilà, il y a trois ou quatre grandes musiques que tu connais. Que tu connais. Mais les autres, les nouvelles compositions, ouais. Pour moi, il est passé à côté. Je n'ai rien en tête, rien. Moi, à la rigueur, après, je pense que j'ai réécouté la VO à part, et on ressort quand même, il y a quand même des musiques qui ont tendance à, enfin, des thèmes récurrents qui ressortent. Moi, j'aime bien le thème de Ray, donc c'est pas. Mais le but, c'est pas non plus d'écouter. Il faut que ça te marque pendant le film aussi, en quelque sorte, non? Non, mais il y a quand même une différence, hein. Je sais qu'Arnaud est d'accord avec moi. Il y a une différence majeure, par exemple, tu prends les œuvres de John Williams, et tu compares, par exemple, à Zimmer, et que Zimmer, pour vraiment savourer la musique, ouais. Tu vois écouter la musique en ayant vraiment le film dans le contexte. Alors que John Williams, l'intérêt de John Williams, c'est que tu peux écouter sa musique et tu peux prendre ton pied. Parce que John Williams, avec sa musique, raconte vraiment une histoire. Et là, et quand tu écoutes la BO, bah, ça raconte quand même quelque chose. C'est pas aussi épique, je pense, que ce qui manque, c'est vraiment un thème épique comme on a pu avoir dans Star Wars 1, par exemple, ou même le 3. Ce qui manque, c'est ça. Après, il y a quand même... c'est vrai... C'est vrai que c'est assez fade. Ah ben, je te prends l'exemple. Par exemple, tu parlais de Hans Zimmer. Moi, ça m'arrive des fois d'écouter Time de Inception, la musique de la fin. Là, par exemple, il y a des moments un peu calmes dans le film, mais je te promets, la musique, parce qu'on disait, elle peut être diluée à cause du rythme assez élevé. Du bruit, il est très très bruyant comme film. Oui, il y a beaucoup d'explosions, de blasters, etc. Il y a un bruit qui couvre beaucoup de fois la musique. Oui, c'est un film très agressif quand même dans sa manière d'être. Hein. Autant dans le bruit que dans le même parfois le design, les ténèbres, tout ça. Je trouve que les sabres sabres laser, notamment, enfin, ils sont hyper agressifs quand tu vois la gueule du sabre laser de Kylo Ren. C'est pas de saccader la lame. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas statique. T'as l'impression que ça tremble là comme ça. Ça brûle même. Ça brûle. Bah comme Kylo en même temps. C'est ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai qu'au final, tu ressors, tu. C'est moi, la musique, j'ai remarqué. Voilà, tu sais, tu fais tin, mais si on te demande un nouveau truc, tu fais. Non, je sais pas. Si je prends par exemple par rapport à Avengers, je sais que le thème du premier, c'est pas le même que le second. J'ai quand même noté une différence. Ouais, enfin, la BO d'Avengers. Je ne vais pas te comparer, non. En même temps, si vous saviez toutes les choses autres que Star Wars qui ont été mentionnées dans cette émission, on a quand même allé très loin dans les comparaisons. La Reine des Neiges, Mathieu, la Reine des Neiges, ça lui reste en train de. Je suis fier de cette comparaison. Avec quoi, t'as dit ? La Reine des Neiges. Oui, voilà, par exemple, on a quand même mis la Reine des Neiges en l'histoire. Bon, on n'est plus à ça près. Allez, Avengers, vas-y, je te le donne, cadeau. Et on a même placé Gotham. Et en plus, ah bon ? C'est dire. Oui, j'ai dit que j'avais du goût parce que j'aimais pas Gotham. J'ai même évoqué Supergirl. Allez, on va arrêter le catalogue. Avant-dernière chose, je vous demande rapidement votre note sur 5 pour ce film. Et c'est là où finalement le vrai avis va ressortir, parce que juste là, on discute, machin, tout ça. Mais bon, difficile pour certains de dire quelle sera la note. Arnaud, dans le rapport de petit moment. Bah, pour moi, c'était un beau récit de transmission très transgénérationnel, magnifiquement orchestré par J.J. Abrams et Disney. Donc, sans surprise, 4,5 sur 5. Clément. Pareil, hein, c'est une vraie réussite. Il y a vraiment une véritable transmission dans la lignée de la trilogie qui m'a fait oublier tout ce qu'a pu faire Patty Lucas sur la trilogie. J'aime bien appeler Patty Lucas. J'ai vraiment pris mon pied de mon film, donc 4,5. Et ta note ? C'est ce que 4,5, j'ai dit. Il a dit 4,5. 4,5, d'accord. Irish. Moi, j'hésite un peu à le noter, comme tu disais, par rapport au thème que t'as fait, bon film ou bon Star Wars, parce que moi, ce qui compte au final, quand je regarde un film à la fin, c'est de savoir si je me suis vraiment éclaté, je me suis pas ennuyé, parce qu'après les détails à côté, genre la réalisation, ça ne compte pas trop au final. Donc, mais j'hésite un peu, parce que si je dis par exemple 3,5, t'as l'impression que je me suis ennuyé ou que j'ai eu beaucoup de reproches à faire. Or, c'est pas le cas. Donc, je vais mettre 4 parce que je me suis vraiment, vraiment bien éclaté devant. Je vais mettre 4. Léo ? J'ai décidé de prendre aucune pincette avec ce film, et comme je l'ai vu une première fois que je l'ai kiffé, que la deuxième fois je l'ai kiffé, je vais mettre carrément 5 sur 5. Oh non, c'est pas possible. Et tu en as le 3. Pour ma part, j'ai quand même l'expérience assez bizarre de l'avoir pas aimé la première fois et plutôt surkiffé la deuxième. Je pense que la VO m'a aidé, franchement. Les films en VF, les 4 Fantastiques et Star Wars. Conditions de placement aussi. Enfin, je l'ai vu le premier soir hyper crevé, en plus de billets parce que la salle était pleine et que j'étais complètement à gauche. Enfin bon, voilà. Il y a peut-être ça aussi qui m'a saoulé. Donc du coup, la première fois, j'aurais tendance à lui mettre 3, et la deuxième fois, j'aurais envie de lui mettre 6, donc c'est un peu emmerdant. Donc je vais lui mettre un bon 4 sur 5. Voilà. 4, bon, on est pareil là. Et c'est très bien. Ce qui fait une note moyenne de 4,4 sur 5. Donc la mission semble plutôt accomplie pour J.J. Abrams. Je vous propose maintenant de faire un petit speculation corner, qui a plein de choses. Qu'on a envie de prévoir, d'anticiper, de faire des théories. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est pour moi la réussite du film. Ouais. C'est qu'on a le mystère Kylo Ren qui est percé, mais on a tellement de choses encore qui nous intriguent entre guillemets, qu'on peut peut-être comprendre déjà. À commencer par, et là je vais vous poser juste simplement la question, à votre avis, quel est le nom de famille de Rey? Skywalker. Et qui est-ce Rey du coup? La fille de Luke. Ça, c'est ce qui semble apparaître au premier abord. C'est ce qui semble, oui. Ouais, mais ce serait trop facile. Pour moi, c'est Rey Solo. Tu crois ? Je pense que c'est l'autre fille de Leia et Han Solo. Parce qu'on a déjà eu le Je suis ton père, donc on l'aura pas deux fois. Il nous manque le frère et la sœur. C'est pas fini, Rey. Et pour moi, c'est Kylo Ren qui va se battre contre sa sœur cette fois, qui va pas être en être amoureux. Ils en auraient parlé un peu. Ils auraient compris quand même. Oh, on a oublié notre fille, au fait. Elle est où ? Ouais. Bah oui. Et regarde, on savait pas, enfin on a mis très longtemps avant de découvrir que Darth Vader était le père de Luke Skywalker. Et pourtant tout le monde le savait. Mais non mais je veux dire, Anne et Leia, ils auraient pas abandonné leur fille, puisqu'on voit les parents être abandonnés. Et ils se seraient dit, bah tiens, tu vas chercher notre fille, mais tu vas chercher notre fils, mais notre fille nous manque toujours et tout ça. Ils en foutre. Ils en auraient parlé un moment, il y aurait eu quelque chose pour nous le dire. Et après ça peut être une Solo sans être une Organa aussi, hein. Enfin, sans venir de Leia, hein, parce que Solo a pu aller planter son mais dans ce cas-là, elle n'aurait pas la force. Elle n'aurait pas la force, puisque... Oui, puisque ça vient du côté de Leia. Mais voilà, moi, pour moi, j'aimerais que ce soit la sœur... Ça pourrait être intéressant. La sœur de qui de Ben, parce que du coup, ça pourrait amener plein de choses intéressantes. Et c'est vrai que c'est possible. C'est possible. Un peu de guerre dans les cheveux, mais... Je pense vraiment pour le côté Skywalker, surtout quand il y a un moment, il a envoyé tout chier et il s'est barré. Ça peut correspondre aussi. Moi, franchement, que ce soit la fille de Luke, ça me ferait chier. Oui, ce serait un peu facile, quoi, encore une fois. Ouais. Oui, ce serait facile, mais les deux, en fait, me vont pas. J'arrive pas à... Mais moi, ça me semble à trouver une solution qui me plaît. Et d'un côté, je me dis, j'ai toujours cette optique que Star Wars, ça raconte la saga des Skywalker. On a Kylo Ren qui est Ben Solo, mais qui est le petit-fils, petit-fils de Darth Vader. Donc je me dis, de ce côté-là, si ça se focalise sur Kylo Ren, on a encore l'histoire des Skywalker. Donc je me dis, est-ce que Rey, ça pourrait... Enfin voilà, c'est pas... Je me dis, on pourrait très bien se dire que finalement, Rey, c'est peut-être la fille d'un... Enfin, la Jedi qui a pu échapper à la purge. Ou mais que ce soit la fille d'un inconnu, ce serait aussi un peu décevant, hein. Oui, c'est ça. Ou alors, Oui, c'est sans doute la meilleure solution, c'est que ce soit la fille de Solo. Ouais. Par je ne sais quelle raison, de Leia. Et qu'elle a caché un secret à Han Solo, Oui, c'est possible. Je pense que c'est la meilleure solution parce que le coup de la famille, enfin la famille Skywalker nous l'a déjà faite. Là, le film met l'accent sur les Solos, puisque le méchant du film c'est Ben Solo, que Han Solo meurt. Ils mettent vraiment l'accent sur cette famille de Star Wars. Et du coup, c'est très plausible que ce soit, que Mathieu ait raison, que Rey soit la sœur de Solo. C'est l'autre côté du triangle, les Solos, de toute façon. Donc, mais déjà, parce qu'il y a une autre famille qui traverse la saga, c'est la famille Organa. Que Leia ait engendré cette fille-là, pas forcément avec Anne, du coup, hein, parce que Ou alors, c'est la fille cachée de Anne. Enfin, Non, pour moi, c'est vraiment la fille de Leia. Avec Anne ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être que c'est un secret que Leia cachait à Anne. Mais pour moi, c'est au moins la fille de Leia, ça c'est sûr. J'aimerais que ce soit une Solo, mais une Organa, ça me convient très bien aussi. C'est intéressant. À ce que tu dis aussi, mais moi par contre aussi, je prépare à parier que le méchant de la trilogie, ce ne sera pas Kylo. Non. On en reviendra après là-dessus, juste pour. Mais c'est pour ça que quand tu dis, tu penses que Rey, c'est la fille de Solo, parce qu'elle sera en opposition à Kylo. Oui, entre autres, mais aussi parce que ça justifierait le fait que si c'était par exemple une fille illégitime de Leia, ça expliquerait aussi pourquoi elle l'a laissée sur une planète parce qu'il fallait la cacher. Ce serait quand même bien. Parce qu'elle avait aussi une place importante dans la Force, dans le sens où elle avait du sang de Skywalker et donc. Ça explique pas que t'as abandonné ta fille à personne quand même, hein, parce qu'elle est toute seule. Mais pour la protéger, elle a peut-être pas abandonné à personne. Il y a quelqu'un qui lui retient la main. Ça me semble être le gros qui fait une portion là. Peut-être que c'était quelqu'un de confiance pour elle. On ne sait pas. Vu le gabarit que ça a l'air, j'ai des doutes. Surtout après, on ne sait pas qui c'est ce mec-là. Il a peut-être mal viré depuis. On va très loin là, mais ça m'intéresse. Ou alors c'est la fille de Lando Calrissian. Non, c'est Finn. Finn Calrissian, mais pas Leia, pas Rey. Pour moi, Finn est un Calrissian, mais. Il y a un jouet Amazon qui révèle le nom de Finn Calrissian. Ou alors ça, à la rigueur, je m'en fous. C'est plutôt la façon dont la... Merci le spoil, Arnaud. Après, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, puisque ce n'est pas dit dans le film. Donc, comment ils ont l'information, Amazon? Je crois que c'est un fake. Ah, ils ont peut-être juste dit il est noir alors c'est son fils. Mais pour moi. Donc spoil, pas forcément. Pour moi ça peut l'être par les propos de la nouvelle Yoda dont j'arrive pas à me rappeler ce putain de prénom, son putain de nom. Maz, je crois. Qui lui dit je vois dans tes yeux que t'es quelqu'un qui fuit, que t'es quelqu'un qui voilà et il y en a un hein, comme ça dans l'ancienne trilogie qui est effectivement en fuite, qui se sauve de quelque chose, etc. C'est Lando. Enfin ça fait partie du personnage et. Enfin moi j'aimerais bien que. Un Calrissian, en fait, mais je préférais que ce soit un Calrissian. J'aimerais bien que tous les personnages ne viennent pas d'un ancien personnage connu. Oui, c'est vrai. J'aimerais que. Ray, forcément, il faut qu'elle vienne de quelque part. Ils nous ont fait le coup avec Kylo Ben. Là, j'aimerais bien peut-être que Finn, ce soit juste un inconnu, quoi. Un nouveau personnage qui ne soit lié à personne d'autre. Hein. Moi, c'est qu'on nous a dit qu'il a été arraché à sa famille. Et à partir du moment où on dit ça, c'est qu'on connaît sa famille. On dit qu'il a été arraché à sa famille, je m'en souviens pas. Ça. On dit que tous les Stormtroopers, ils sont arrachés à leur famille, etc. Non, mais lui aussi le dit même qu'il est arraché à sa famille. Bah, c'est juste pour montrer la cruauté du premier ordre. Et enfin, J'aimerais vraiment qu'il soit personne. Enfin, qu'il soit le fils de personne. Après, c'est peut-être un fait, hein, mais un Calrissian, c'est mieux. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un peut m'expliquer parce que moi j'ai toujours pensé que les Stormtroopers ils avaient tous la gueule de Boba Fett. Non, ça c'est les clones. C'est plus les clones. C'est plus les clones. Ah non, clones et les Stormtroopers c'est pas pareil. C'est pas pareil, les Stormtroopers c'est des mecs qui ont été conditionnés et qui sont passés par l'école militaire impériale, un truc comme ça. Enfin, c'est des mecs conditionnés qui sont envoyés à l'Empire, mais c'est pas des clones. Parce que justement, le général Hux, là, il lui dit, est-ce que vos Stormtroopers seront suffisants pour retrouver BB-8? Et il lui dit, si vos hommes sont pas capables de réussir à trouver BB-8, on envoie les clones. Donc c'est deux entités différentes. Ouais. Non, j'ai dû rater ça. C'est deux corps militaires différents. C'est entre quel épisode et quel épisode qui font la différence, je sais pas. La 2. Les clones arrivent dans le 2. Oui, ça il le dit dans le 7. Ça il le dit dans le 7. Si vous n'êtes pas capable d'accomplir la mission, on envoie les clones. Oui, non, si, mais je parlais de la distinction parce que honnêtement. Les clones arrivent dans le 2 puisque le film s'appelle Attaque des clones. Mais les Stormtroopers, on les a déjà. Les Stormtroopers, ils arrivent dans le 4. Hein. Mais la première, vraiment, on parle des clones. On parle même, et ça, c'est, on parle même en VO dans Star Wars 4, c'est Obi-Wan qui parle de Clone Wars. Qui est dit dans la VF, je crois, la VF, il change complètement le truc, c'est la guerre noire. Toujours pris les deux pour les mêmes, hein, parce que voyais les casques et tout, les fringues, toujours pensais que c'était la même chose. Ok. On a perdu Mathieu. Ah bon? Ah. Non, j'avais coupé mon micro, c'est pas grave. Boulet. Ouais, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Qui est, pour vous, le leader suprême? Donc, parce que j'y vois quelqu'un, mais il ressemble à Palpatine. Luke Skywalker. Non. Moi, il m'a ressemble à Palpatine. Oh non, pas du tout. Non, il est pas. Il est plus... quelqu'un de connu. Mais après, absolument rien à voir avec son hologramme. Il se cache. Pour moi, mais après, c'est là où ça me. J'aimerais qu'il soit lui, mais il vient de la première trilogie et du coup c'est Dark Plagueis. Tu crois? C'est qui? Le maître de Sidious. Mais il est censé normalement Sidious l'a tué. Ah non. Oui. En théorie, selon le code des Sith, il l'a buté. Il l'a buté, hein. Ah bon? Ah oui. Ah mais il le dit, hein. C'est pas possible. Parce que pour moi, il était toujours vivant quelque part. Ah non, non, non. Il a, en fait, quand t'as dans le 3, t'as Sidious qui te parle de Dark Plagueis, le sage, et qui a l'illusion en gros que son apprenti l'a tué. Mais en fait, l'apprenti de Dark Plagueis, c'était Dark Sidious. Oh merde. Oh bah vous avez cassé mon délire. Mais il y en a qui n'ont pas, mais non, c'est pas. Non, c'est pas Plagueis. Eh ben j'aurais aimé que ce soit lui. Tant pis. Bon, bah, du coup, on sait pas qui c'est, mais ça a l'air d'être quelqu'un aussi. Mais peut-être que c'est un personnage qu'on connaît pas, mais qu'on verra plus tard, dans le 8. Peut-être. C'est un personnage qu'on verra lui, dans le 8, et à la fin du 8 ou dans le 9, on découvrira que c'est lui. C'est vrai, parce qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir tout. Voilà, c'est pas obligé. Parce que moi, vraiment, moi, je pense que là, ils ont ramené les anciens. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est la transmission. Ils ont fait une synthèse de l'ancien en incluant de nouveaux personnages, de nouveaux éléments. Mais peu à peu, ils vont laisser tomber les anciens pour vraiment se concentrer sur la nouvelle génération. Donc je pense que le méchant suprême de cette trilogie, ce sera un nouveau personnage. Alors, par contre, j'espère juste qu'on ne va pas nous tuer un ancien par film. Ouais, j'espère aussi. Mais j'espère moi, je pense, que, mais je pense qu'ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, les anciens vont pas faire la trilogie, comme tu disais parfaitement, on est une transmission. Après, ils vont. Je pense que dans le 3, on les verra plus. Ou un caméo. Oui, mais on oui, les verra exactement. Plus dans le 3. Dans le 8, oui, puisque Luke va aider Rey à devenir Jedi. On va forcément encore voir Leia, au moins pour voir sa réaction par rapport à la mort de Han. Mais je pense que dans le 9, ce sera un simple caméo au début, voire aucune apparition. Mais comme tu dis, comme tu as dit, cet épisode 6, c'était celui de Han. Moi, je pense que l'épisode suivant sera celui de Luke Skywalker, où on saura ce qui s'est passé avec Kylo Ren, et où je pense que Kylo, bon, je sais pas, mais où il va partir en laissant totalement la place pour Rey dans l'épisode 9. Oui, je pense. Oui, clairement. Bref, voilà. Clairement, dans le 9, c'est le film des nouveaux. Il y a un champ des possibles assez incroyable. Plus que jamais, il va falloir guetter aussi les publications de l'univers étendu, parce que il va forcément y avoir des choses qui vont sortir de ça. Il y a une trilogie de romans qui est censée faire le pont entre l'épisode 6 et 7. Il y a probablement un seul qui est sorti. Voilà, donc on aura aussi sans doute des infos là-dedans, qu'on n'aura peut-être pas forcément dans les films, parce que le coup aussi habituel dans les films, c'est les ellipses narratives. Hein. Est-ce qu'on va suivre la formation de Rey, ou est-ce que quand on va la retrouver à l'épisode 8, elle sera déjà formée? On ne sait pas. Elle sera presque formée. Un peu comme Luke dans les épisodes. Il y a peu de chances qu'on se retrouve à la suite directe de cet épisode-là. Ah non, clairement pas. Il y aura eu des mois de passé, et elle aura déjà démarré sa formation depuis longtemps. C'est vrai que ça, c'est des trucs qui me sidèrent. Quand t'as un film qui se termine avec une suite et que la suite commence là où l'épisode précédent s'était arrêté, très pour très. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais là, c'est bien aussi d'avoir des gaps entre les films et de pouvoir du coup se dire, s'imaginer un peu ce qui a pu se passer. Voilà. Oui. La force après, l'ellipse au début du set m'a un peu dérangé quand même. On te dit l'Empire a été détruit, et de ses cendres, tout de suite, a été créé le Premier Ordre. Et moi, je me suis posé 10 questions en voyant juste le déroulé. Ah bien sûr. Le déroulant, j'ai envie de savoir comment ce Premier Ordre a été créé. À quel moment, après la destruction de l'Empire, ça a été créé? Comment ils ont récupéré telle chose? Comment ils se sont formés? Enfin, j'ai envie d'en savoir plus. Et au début, j'ai été un petit peu frustré de ça. C'est vite parti pour vraiment me concentrer sur les personnages et l'histoire. Mais au début, j'ai été un petit peu frustré sur ça. Et j'espère que soit ça sera expliqué dans le 8, ou qu'on aura un livre, un comics pour nous raconter la création de ce Premier Ordre. Ce sera dans l'univers étendu, ça, clairement, ça va pas être... Je pense que oui. On va créer un univers étendu, on va en apprendre... Il existe déjà depuis l'année dernière. Oui, il est déjà en création. Il y a la première partie, encore une fois, cette trilogie qui s'appelle Aftermath, qui fait vraiment le pont entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Sans doute que là-dedans, on aura des échos sur la naissance du Premier Ordre. Et du coup, de la résistance. Voilà, bon, on a presque dépassé la durée du film. Je pense qu'une fois le montage terminé, on ne devrait pas être loin d'une même durée, donc on peut s'arrêter là. Ouais. On aurait encore envie de raconter beaucoup de choses, de revenir sur plein de choses, évidemment. Hein. Et c'est aussi ça qui fait que cet épisode 7 est réussi, parce que sinon, clairement, on n'en aurait juste rien à battre. Complètement. Hein. La grande force, c'est qu'on peut en parler... On aurait pu très bien encore continuer une heure et vous saouler pendant encore une heure, cher auditeur. Mais on va, par sagesse, n'est-ce pas, s'arrêter là. Et vous rappelez, alors nous sommes le 24, hein, le jour où vous allez écouter cette émission peut-être, parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire le 24 que de nous écouter parler pendant plus de 2 heures sur un film. En tout cas, si vous nous écoutez avant le 27, rendez-vous le 27 à 20h30 en direct pour les Comic Stories Awards 2015. On va faire notre bilan 2015, on va décerner nos prix, et vous allez aussi décerner vos prix, vous avez été un nombre incroyable à voter, donc on va avoir des résultats assez intéressants, assez surprenants, c'est promis. Gotham. Rendez-vous. Je suis sûr que Gotham, il y aura un prix, il faut un prix. Un award. Ouais, voilà, c'est ouais, ce Gotham. Un award. Je ne laisserai pas faire Arnaud. Juste pour lui. Le grand favori des awards, puisqu'il est la série télé la plus nommée dans les awards, avec une catégorie où elle est nommée trois ou quatre fois, c'est la catégorie des personnages. Tu peux me remercier. Dans pire actrice et pire acteur, j'ai mis tout le casting. Les nominations sont collectives, donc forcément, c'est que tu n'as pas été le seul à faire ça. Voilà, on a vraiment une espèce de rejet total. Mais après, est-ce que les lecteurs ont rejeté Gotham autant que nous ? On verra, on verra. C'est teasing. Tu veux dire, est-ce que le public est aussi avisé que nous ? Ou est-ce qu'il est aussi avisé que Léo ? Parce que peut-être que c'est lui qui détient la vérité au final. Bien sûr que c'est moi qui détient la vérité, cette question. Vous avez vu ça ? Là, je regarde. On aura une première partie de réponse dimanche dans les Awards, les Comic Stories Awards et forcément les Awards qui vont avec. Vous ne pouvez plus voter de toute façon maintenant, donc c'est pas la peine que je vous appelle à voter. Vous avez juste à nous suivre dimanche, 20h30, en direct. D'ici là, j'ai envie de dire, c'est presque trop logique de le dire, mais j'ai envie de dire que la force soit avec vous. C'était beau, c'était beau. À bientôt. Salut. Salut. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba